dans la vie. Croisière d'assemblage requis. Simon Fitzbé nous apporte des informations sur le contrôle des naissances. Et Kim Bergeron nous fait découvrir le groupe Ellie et Papillon à la vie de croisière d'assemblage requis maintenant. Ah, t'es fier de moi, hein, avoir ta porte, pas pire. C'était prévisible. Ouais. C'était quand même prévisible. J'étais pourtant fier de mon coup, mais bon. Bravo. Non, c'est correct, c'était pas super. Donc, bonjour, bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 28 mai 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Jasmine Raymond-Drainville, de retour. Oui, enfin de retour. Oui. Tu m'as laissé seule la semaine passée, mais... Oui. C'était... Je vais te laisser seule en partie aujourd'hui à partir d'à peu près 4 heures. Mais aujourd'hui, c'est pour une bonne cause. Oui, je vais vous revenir sur cette cause la semaine prochaine. Oui, j'ai très, très hâte d'entendre parler. À l'émission d'aujourd'hui, on a plein de bonnes choses de prévues. On va avoir des chroniqueurs, évidemment, des plus variés. Plus tard dans l'émission, on va avoir la chronique de Simon Fitzbé pour les nuls. Il va nous parler du contrôle des naissances. On a DJ Catardi qui, encore une fois, nous expose un petit peu et nous continue sa thèse sur la musique. DJ Catardi. Super. Spécial. En fin d'émission, Kim Bergeron et sa chronique culturelle. Elle va nous parler du groupe Ellie et Papillon. Mais on va débuter l'émission avec notre chroniqueur David Ferron qui s'en vient dans quelques instants. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter comme chronique aujourd'hui, David? Ben, je vais vous parler du Vatilix. Vatilix au Vatican. Exactement, oui. La controverse et les grosses situations compliquées. Oui, une question. On n'a pas de Justine Renaud? Non, deux semaines. Oh, voilà. Puis j'ai manqué ça. Oh, j'ai manqué la semaine. T'as manqué ça. Bon. C'est triste. Donc, Vatilix, tout à l'heure, dans la chronique Graines de pivot de David Ferron. Uh-huh. Cette semaine, on écoute le palmarès francophone pour la période du 28 mai au 10 juin 2012. On retrouve dans ce merveilleux palmarès trois nouvelles entrées. On va entendre plus tard Maison Brume, Canaille et Grim Skunk. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 est toujours. C'était quoi la semaine passée, numéro 1, Jasmine? Question de c'était faire Radio Radio. Oui. Avec la pièce Galope. Galope. Alors, on va savoir si c'est toujours en première place d'ici la fin de l'émission. Commençons par un bloc de nouvelles entrées. Ça débute avec Grim Skunk sur leur album Set Fire. Voici l'extrait. Souriez, vous êtes filmé. Yeah. Ah, ça, j'ai ça quand ça arrive. Ça marche pas. Dès le début de l'émission, ça va tellement bien. Ah, ben, quand même. Donc, toujours à la vie de croisière, l'assemblage requis sur CIFU 89 FM. Et comment allons-nous faire pour entendre la prochaine pièce? C'est une très, très bonne question. Je peux faire une petite intermède de festif. Vas-y donc! C'est la fête à FO! Hey, bonne fête, François-Olivier! C'est plate qu'on le fasse pendant une aussi mauvaise période d'émission. C'est ça! C'est ça! Bonne fête FO! Bonne fête, hein? C'est super. On va aller entendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chanter Bonne fête à FO? OK. Non. Retenons-nous. Je pense que ça va être une meilleure idée comme ça. On va aller tout de suite entendre une pièce qu'on aurait sautée, mais qui a sa chance parce qu'on est mal pris. On s'en va entendre la position numéro 17. Ça descend de la 13e place et c'est Lisa Leblanc et sa pièce Cerveau ramolli. On écoute ça à l'instant, puis on revient avec la musique des deux autres nouvelles entrées, Canaille et Maison Brume. C'est le fun, hein? Ouais. C'est super la fin. C'est vraiment... Toi, tu dois être particulièrement content, mais tu vas être débarrassé. Disons-le, tu vas être débarrassé. Ouais, en tout cas. On rit tout à l'heure à chaque semaine. Moi, je l'aime. Non, je sais. Ouais. Chacun son genre. Ouais. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je lis des livres, je garde la TV, puis des films en jogging. Tellement plus rien. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Leblanc et sa pièce Cerveau le ramolli en position numéro 17. Je crois qu'on a élucidé le mystère de la pièce de Canaille qu'on voulait faire jouer tantôt, nouvelle entrée. C'est un mystère, mais c'est pas logique. C'est vraiment pas logique. En fait, c'est que l'album comprend 11 pièces, OK? 11 pièces. Mais le CD, physiquement, en a 13, d'accord? Et la pièce numéro 3, qui devrait être Bien-être... Ben, elle dure 19 secondes. Fait qu'on s'entend que c'est comme un genre d'entre... C'est sur le palmarès, c'est ça. Ben, c'est ça. Logiquement, je pense pas que ce soit sur la pièce. Donc, j'imagine que celle qui doit être sur le palmarès, c'est la 4. Donc, la suivante. Donc, on va aller l'entendre. Puis, on va écouter les paroles pour voir si c'est vraiment bien net. Parce que j'ai les paroles dans le petit livret ici. Hein? Après ça, là, je vais pouvoir l'écrire pour les prochains... Je suis vraiment mêlé, mais je te laisse faire, OK? La pièce 3, c'est comme un genre d'entre deux pièces, tu comprends? C'est comme un genre de bumper. OK, elle a pas de titre. Elle a pas de titre, okay, sûrement. C'est pour ça, OK. Et tout le reste doit être décalé. Alors bon. Donc, on va commencer à écouter ça, et puis on va voir si c'est bien la pièce Bien-être. OK. Je me sens bien, mais ça... À date, ça feel good, hein? C'est supposé commencer par « Faut que je me lève, faire mon café ». Bravo! Ventile instantané, en plus de pas chauffer, il faut. tout ce temps de gris sécu, replié sur soi en terre promise, où nul ne vient, nul ne la vise, entouré de soi en terre promise, au lieu de de Maison Brume sur l'album La Fuite des gens heureux. C'est la dernière nouvelle entrée de cette semaine en francophone sur la... C'est ça, c'est en 18e place. Juste avant, on a finalement entendu la... l'autre nouvelle entrée, Bien-être de Canaille. Oui, voilà pour les nouvelles entrées. On va avoir plein d'autres musiques plus tard, entre autres celle de Dumas et de Marie-Pierre Arthur, mais maintenant, on va recevoir David Ferron. Bonjour. Entre-soi, recevons-le. Il hey, faut le corriger tantôt. Là, j'ai dit que j'étais seul la semaine passée. Je voulais dire seul à l'animation officielle, mais t'étais quasiment co-animateur par défaut. Là. Ben presque, mais c'est sûr que j'avais, j'ai pas pris le poste parce que Jasmine était remplaçable. Ah, tu vois, il est fin, hein? C'est vrai. Petite bête docile, t'sais. Oui. Une petite bête un peu têteuse. Un petit peu têteuse! Un petit peu têteuse! À peine, mais c'est le fun. Et hey, moi qui avais. Flatteur, c'est flatteur. Ah, ok. Finalement, ça fait votre affaire que je sois têteux. C'est ça. Mais ambitionne pas, là. OK. aujourd'hui, de quoi je vais parler? Oui, de Vatilix. Oui. On en parle après l'intro. Exactement. Allons-y, c'est la chronique Graines de Pivot. Voilà, David. Bonjour encore. Ben, rebonjour. la semaine dernière, le bateau est allé partout dans le monde parce qu'on parlait du mouvement des jeunes de partout dans le monde. Mm-hmm. Là, on va donner un petit break au bateau pour aller au Vatican, qui est un plus petit territoire. OK. Là, je passe le monde entier pour aller dans un petit territoire près de l'Italie qui s'appelle le Vatican, qui est en fait un État reconnu. Mm-hmm. Ouais. Comme le Canada, les États-Unis. Bref, le Vatican, c'est pas juste une grosse église avec le pape, mais c'est une entité politique avec ses banques, ses habitants. Bref, c'est très complexe. Mm. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du scandale du Vatilix. C'est quoi ça, Vatilix? On entend beaucoup de mots. Je sais qu'il y a eu quelque chose là-bas, mais tu sais, je pourrais pas te dire c'est quoi. T'sais. Exactement. C'est pour ça que t'es là. Oui, je vais essayer de bien démystifier le système Vatilix. En fait, c'est quoi Vatilix pour Vatican puis Leaks comme Wikileaks? C'est que depuis janvier-février, il y aurait des gens impliqués dans le Vatican qui auraient laissé des documents publics, autant sur Internet que dans les nouvelles. Et ça a enflammé la presse italienne qui a fait, et ça a fait un très gros scandale. En fait, c'est sur quoi? En fait, ces documents-là, ça dénoncerait la mauvaise gestion du Vatican et de ses économies. OK. Mais qu'est-ce que ça cache derrière ça? C'est très flou. En fait, le pic du scandale s'est arrivé dernièrement avec l'arrestation du majordome. Le majordome, c'est quoi? C'est l'homme à tout faire du pape. Et il était très proche, il était tout le temps avec. Et en fait, c'était comme le ministre premier ministre aussi. Il avait été nommé comme sous-ministre, en fait. Ben, pas vraiment. C'était le majordome, mais il était très proche. En fait, Federico Lombardi a été arrêté. Sauf que lui, il est considéré comme... tu sais, la personne que t'engages pour faire la sale job, là. Ouais. Lui, c'est ça. Ça aurait été ça. C'est pas lui vraiment qui aurait cherché le document et qui aurait donné, mais ce serait plutôt lui qu'on aurait donné les documents qui dit « Regarde, Federico, tu t'arranges, tu les donnes. » Puis lui, savait peut-être même pas qu'est-ce qu'il y avait dedans ou à peu près pas, là. OK. On le sait pas encore, c'est encore bien. C'est comme fait piéger un petit peu, là. T'sais, il était pas nécessairement coupable, mais il était coupable parce que quelqu'un d'autre lui a comme donné le rôle de coupable. C'est ce qu'on sait pas encore. Okay. Parce que c'est flou, parce que le Vatican, c'est secret, secret. On garde des secrets, on bétonne notre... Oui, dans tous les domaines pour eux autres. Hein? C'est... Oui, et là, c'est ça qui commence à énerver. Et Vatilix, pourquoi le document a été divulgué? Pour plusieurs raisons. Possible qu'on explique. D'abord, première hypothèse, c'est que certaines personnes veulent se débarrasser du ministre, en fait, du cardinal, qui est comme le numéro 2 du Vatican, qui est... Après le pape. Oui, exactement. Ouais. T'as le pape, puis t'as comme le premier ministre, qui est le cardinal haut gradé, qui est en fait Tarcisio Bertone, qu'on traiterait d'incompétent, de malfrat, de quelqu'un d'incompétent, de rigide. Mais peut-être que d'autres personnes diraient « Ah, ben c'est parce qu'ils veulent le bumper pour être plus proche du pape, pour avoir des pouvoirs du pape. » Attention, là, tu sois pas trop proche du pape non plus. Là. Ben, ça dépend. C'est une blague. On va se faire prendre la main dans le pantalon. Ah! Une blague. Hein? Ouais, mais ils sont majeurs. Oh, ils sont majeurs! OK, ça va, loin. Ça vient trop de mauvais loin. Goût, là. Donc, c'est ça. Sauf que l'autre chose aussi, c'est ce qu'on dénonce dans les documents, c'est qu'également la gestion d'une espèce de banque qui s'appelle l'Institut pour les œuvres de religion, qui est en fait la Banque royale du Vatican. On dirait que cette banque-là a des problèmes de gestion qui sont dénoncés dans les documents du scandale Vatilix. Donc, problème de gestion parce que le pape Benoît XVI, malgré tous ses défauts qu'on peut lui reprocher, a une qualité, c'est-à-dire vouloir être transparent. Au niveau des gestions de l'économie. Ce qui fait pas l'affaire parce que depuis des siècles, parce que on se cachera pas, le Vatican, c'est une institution, en fait, l'institution, le contrôle religieux, la direction religieuse catholique, ça dure depuis 2000 ans. Donc, c'est un pouvoir économique et religieuse et politique qui a lieu depuis 2000 ans. Donc, détruire des traditions qui ont lieu depuis très longtemps, c'est un peu rough. C'est loin. Exactement. Et la tradition, c'est d'être secret, d'être discret, de pas trop dévoiler. Pas juste dans le sens qu'ils ont quelque chose, des scrupules qui sont corrompus, c'est juste ça fait partie de leur culture. Puis je vais expliquer pourquoi après. Donc là, c'est la gestion de l'IOR, l'Institution pour les œuvres de religion, dont le président Ettore Gotti Tedeschi, qui lui, en fait, qui est le président qui s'est fait mettre dehors. Non seulement, mais lui, il voulait vraiment rendre ça plus clair au niveau de la gestion de la banque, de rendre ça plus transparent. Mais il y en a que ça leur a pas fait leur affaire. C'est ça. Donc, et de faire dire que publiquement par des documents secrets que ta banque est mal gérée. Mm-hmm. Ça n'a pas fait l'affaire de certaines personnes. Donc, on a tordu le bras pour qu'il démissionne un peu comme Lynn Beauchamp. On a fait un petit peu. Selon les hypothèses, moi, je suppose rien. Je vais juste rapporter ce que les médias disent. Donc, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça suppose? C'est qu'il y aurait peut-être des petites guéguerres à l'intérieur du Vatican, comme dans n'importe quel bon parti politique, mm-hmm. comme dans n'importe quel pouvoir. C'est-à-dire des gens qui veulent se rapprocher du pape et qui veulent être davantage plus conservateurs. Et il y en a même certaines personnes qui diraient que les documents laissés publiquement, ce seraient des gens qui trouvent que c'est pas assez conservateur, qu'à cause de ça, ben l'Église catholique brille pas assez, que là, on perd du lustre, que ça va mal, et que là, on veut prendre le pouvoir pour justement remettre l'Église catholique numéro un des régions et qu'il y a une belle visibilité. Et que number, one, number one, oui, number one. Oui, chapelet, chapelet, chapelet. Oui. Vous avez jamais fait ça, vous mettre à genoux pour faire le chapelet? Rarement, je dirais, non. Ben, c'est quelque chose. Ouais. C'est pas très agréable, mais ça se fait bien, là. Ouais. On survit. Ouais. On survit. On s'habitue, ses genoux. tu fais de la corne, c'est genoux. C'est ça. Ouais, mais essayez de monter les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph. Il y en a qui montent à genoux nus les escaliers en bois de l'oratoire Saint-Joseph. Ah, as-tu dit nu? Oui. Il n'y a pas un règlement municipal qui veut que tu n'as pas le droit d'être nu complètement dans une ville. Puis je pense que l'oratoire fait partie d'une ville. Non, les genoux nus. Les genoux des femmes. Je pensais les personnes complètement nues. Attends, je pensais les personnes nues. J'étais là. Faut clarifier ça. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Ben merci, Jasmine. En fait, c'est les genoux nus. Tu sais, quand tu as des jeans, ça te protège. Mais quand tu as les genoux nus. Ouais. Les genoux nus. Nus comme Cricket Rockwell. Ouais. Les enfants. Ouf, OK. Bon. Donc, c'est ça. Et aussi, le problème, c'est que le pape, c'est pas quelqu'un qui aime tellement la politique, qui aime tellement s'occuper de l'administration de la paperasse. C'est pas quelqu'un d'aussi ambitieux que Jean-Paul II, que lui, par exemple, et là, je vais revenir sur la discrétion financière, qui lui était vraiment impliqué au niveau politique, tandis que Benoît XVI, c'est un intellectuel qui aime ça être enfermé dans une bibliothèque puis écrire des livres. C'est son trip dans la vie, puis il y a même des proches qui disent, regarde, Benoît XVI, sa prochaine ambition, c'est de sortir son troisième livre en tant que pape. Ouais. C'est ça, c'est quelqu'un d'intellectuel, de renfermé. Puis donc, c'est pour ça qu'il aurait laissé à son premier ministre, justement, Tarsio Bertone, tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'un ministre qui veut le voir, le pape, il faut qu'il passe par le premier ministre. Et ça gosserait beaucoup de personnes. Ce qui, en fait, serait peut-être une raison pourquoi ils veulent voir Bertone d'or. Et aussi, concernant les finances, c'est qu'ils sont très discrets. Pourquoi? Parce que le Vatican ne veut pas nécessairement dire qui donne. Ou, par exemple, une femme américaine meurt, elle veut donner 2 millions en héritage au Vatican et non à ses enfants. Elle veut pas nécessairement le dire, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'ils dévoilent pas les comptes qui nous donnent, qui sont nos donateurs, parce qu'ils veulent pas, mettons, mettre des noms aux donateurs, parce que ça pourrait faire des scandales où, par exemple, mettons, un dictateur, je sais pas si c'est arrivé, j'espère que non, mais mettons qu'un dictateur aurait donné de l'argent à l'Église. Ça serait mal vu. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont très discrets sur les finances, parce que justement, on veut pas nécessairement que ça soit attribué, on veut pas que ça fasse un gros scandale. Ouais. Puis même là-dessus, Jean-Paul II était au courant depuis le début des scandales au niveau de la pédophilie. Mais ça a été fait, pourquoi? Parce qu'on veut pas déclencher de scandale, on veut pas faire trembler une institution vieille de 2000 ans. C'est ça, mais non. On veut pas donner des raisons à ceux qui rient déjà de ça, de rire encore plus. Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On rit encore plus. C'est ça que je fais. Hein? Ouais, hein? Ouais. Quel humoriste de mauvais goût, t'es comme Jean Charest. C'est ça, ouais, de très haute qualité. Hein? C'est pas grave, on aime tes jeux de mots pareils. Merci, t'as des belles comparaisons aujourd'hui, Lynn Beauchamp et Jean Charest. Ouais, hein? Ouais. Mais je suis sûr que Jasmine aime les jeux de mots de Mathieu. Pas pire, non? Ben, moyen. Tant qu'il parle pas de politique. C'est ça, hey, s'il fallait que je fasse des jeux de mots politiques, hein, Ouais. OK. On laisse faire. Ben là, je parle de politique depuis tout à l'heure, là. Ça va pas bien? C'est ça, ben je me retiens. OK, c'est bon. De politique libérale québécoise, on va dire ça de même. Okay. Ah, OK. T'as bien fait de me couper parce que j'allais dire... qu'est-ce que tu viens juste de dire, David? Ben, c'est ça, je me retiens. Fait que moi, j'allais dire, ouais, comme le pape. Ah! Fait que tu vois, ça aurait donné ça si j'avais fait un jeu de mots, mais je l'ai pas fait. Ben, tu viens de le faire, là. Sûr? Oui. Pas de preuve. OK, pas de problème. Mais c'est ça, fait que c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est le scandale des documents. Comment dans une ère où ce que tout est numérisé ou tout est dévoilé publiquement, ça peut ébranler une institution qui est dirigée par le secret, par la discrétion, justement. Et là, soudainement, tout peut être rendu public. Et là, ça a l'air que Benoît XVI... Il est pas très heureux, il souffre dans son intérieur, puis qu'il aimerait ça redevenir un cardinal intellectuel enfermé dans sa bibliothèque en train de lire et d'écrire. Mm-hmm. Ça serait tellement son rêve. Contrairement à Jean-Paul II, par exemple, on sait tous que Jean-Paul II a été en fait un des grands responsables de la chute du communisme en finançant un parti polonais qui était contre le régime soviétique en Pologne, et ce qui a fait en sorte que en renversant le gouvernement polonais, là-bas, ben, ça fait de boule de neige dans les autres pays. Et Jean-Paul II a pas dévoilé justement l'argent qu'il a accumulé, qu'il a pu donner. Pourquoi? Parce que c'était tenu secret. Et justement, si ça aurait pas été tenu secret, peut-être qu'il aurait pas pu financer la perte politique en Pologne. OK. Donc, c'est ça qu'il y en a qui disent, ben oui, c'est correct, il faut dévoiler, il faut être plus transparent, mais en même temps, ben parfois, ça permet un plus grand jeu politique. C'est ça, c'est dans le fond, c'est d'être transparent jusqu'à ce que ça leur adonne, puis pas être transparent quand ça peut les aider. C'est ça, exactement. Sauf qu'il y a de la pression de plus en plus parce que s'ils veulent être dans les pays transparents, Ben, il faut qu'ils dévoilent davantage leur économie. Il faut que leur banque, qui est l'IOR, dévoile davantage leur entrée, leur sortie, pour pas être considéré par les organismes mondiaux comme une république de bananes. Le Vatican ne veut pas être une république de bananes. Non, non, c'est ça. Les bananes sont déjà assez occupées de même. Oh! Tabou, j'en ferai des bananes à split. Recon. Et d'ailleurs, je ferme ma chronique par une anecdote savoureuse. Comme okay. Des bananes? Oui. Épluchées avec soin. Hein? Oui. À l'envers. Oui, c'est ça, comme les singes. Ben, comme ça par l'autre bout. Moi, ouais, je fais ça. Ben, c'est parce que c'est mieux de même. Ça va mieux. Wow. Elle s'écrase pas. Non, mais non. Je vous jure. Ok, assez parlé de bananes. Ouais. Oui, bananes au miel, c'est super bon. Très bon. Mais c'est ça, j'ai deux chansons à vous présenter, une ou deux qu'on peut mettre. Vas-y avec deux. Mais d'abord, il y a une chanson qui s'appelle « He Doesn't Know Why » des Fleet Fox. Pourquoi? C'est quoi le rapport avec la chronique? Il y en a... Ben, il n'y a pas une ligne directe, sauf que... Les renards ont des queues. Hein? Oui. Ah, ben, c'est bien pensé. Pourquoi pas? Ah oui, renard comme les gens secrets qui complotent. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ben oui, ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est non. Pourquoi? C'est qu'en fait, il y a le... En fait, il y a le MySpace du Vatican, parce que oui, si on me donne un petit... Le Vatican a un MySpace? Oui, son oui. Has-been de même? Oui. Tu vas tirer les petits, en tout cas. Je vous le dis, ils ont un MySpace. Je vais arrêter avec ça. Puis, il oui. Y a 12 chansons. Ils ont comme mis une setlist de chansons. Et puis là-dedans, je la trouve pas, mais okay. Elle m'a donné... Là, cette année, ils ont mis une setlist. Puis, It Doesn't Know Why, des Fleet Fox, était là-dedans. Eh ben! Avec Tupac. Tupac? Oui, Tupac était là-dedans. Et, cette année, rien comprendre. Non, moi non plus, je comprends rien, mais c'est ça, il était à mode, hein, c'est ça? Ouais. 2012. Oui. Ben, MySpace, c'est tellement à mode. C'est ça. C'est tellement mais, à la parce mode. Parce qu'ils sont un petit peu en retard sur la mode. C'est tellement t'sais. 2007. Ouais. Ouais, je sais, mais pour eux, 2007, c'est 2021. Genre. Faut les comprendre. Ouais. Ils sont bien arriérés. Ben déjà, qu'ils mettent Fleet Fox, que je connaissais pas beaucoup, mais que j'ai découvert grâce au Vatican. C'est quand super même. Bon. Oui, ben il faut leur donner ça. Ouais. Oui, puis l'autre chanson, ça s'appelle Vampire de Sinead O'Connor. Qui, elle, avait déchiré la photo du pape à Saturday Night Live. Ben, exactement. Donc, pourquoi? Ben, justement, je voulais souligner quelqu'un qui était contre les scandales au Vatican et qui a décidé de se rebeller. Donc, Sinead O'Connor qui a scrappé sa carrière en... ça l'a sûrement aidé d'un autre bord. Scrappé sa carrière? Je suis pas d'accord. Ben, elle a fait beaucoup de choses aussi pour la scrapper aussi, pas juste ça, mais disons... Ouais, ça l'a scrappé du bord des personnes qui sont de ce bord-là. Qui, t'sais. Mais ouais. Pour d'autres, ça l'a monté dans l'estime. Il n'y a pas juste le pape là, qui l'écoute, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais pas juste ça. Puis en plus, alors qu'il y avait des grosses machines avec des rouleaux compresseurs, là, des espèces de grosses grues avec machines compresseurs. Ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Il paraîtrait qu'il y a des catholiques qui se réunissaient dans des disquaires, qui entreprenaient, toutes les disques de Sinead O'Connor, ils mettaient ça dans un tas, puis engageaient quelqu'un pour compresser ça avec un rouleau compresseur. Ça brûle les livres, puis ah ouais, donc c'est fun. C'est une belle religion. Sinead O'Connor est considérée comme la fille de Satan dans certains coins des États-Unis. Tant mieux. Ben, c'est une bonne chanteuse. Chacun son opinion là-dessus. Là. Ouais, c'est une bonne chanteuse, mais bon, on va écouter. On va écouter d'abord les Fleet Fox. Avec It Doesn't Know Why, suivi de Vampire de la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor. C'est dans la chronique Graines de Pivot. Exactement. Le David Ferron avec Croisière d'Assemblage de Cris. There's nothing I can do. There's nothing. Catch my vampire. c'était Vampire de la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor. Mais tout d'abord, nous avons écouté la pièce It Doesn't Know Why des Fleet Fox. Et tout ça pour couronner notre chronique du Vatilix. Oui, dans Graines de pivot avec David Ferron, qu'on retrouve la semaine prochaine, évidemment. Si tu veux. À date, je veux. OK. Et évidemment, t'animes juste avant nous, les jeudis, entre midi et 13h, l'émission La langue dans ton oreille. Oui. C'est pour les deux prochaines semaines, cette semaine et la semaine prochaine, je parle des francopholies. Donc, cette semaine, c'était plus les artistes d'origine africaine et québécoise, tandis que la semaine prochaine, je vais faire un saut en Europe. C'est parfait, ça, on va écouter ça. Est-ce que je peux juste me permettre un correctif? Oui, oui, Simon. Simple comme ça. Oui. Fleet Foxes. Au pluriel. Merci. Ouais. Je veux pas. C'est pas pour faire mon condescendant ou rien. C'est vraiment. C'est pour ton information. Je vais en profiter pour le faire. Merci. Ouais, bon. On s'entraide, tout le monde. Tant que tu dis pas comprenable dans tes chroniques. Je me force beaucoup. J'essaie. Mais merci. Ça se dit vraiment bien comprenable. J'allais dire, même moi, je le dis, mais tu sais, je suis pas meilleur que d'autres mondes, là, mais. Mais c'est compréhensible de dire qu'on dit pas comprenable. Ouais, voilà. Bravo. Ouais, c'est normal. Puis on le dit tous, comprenable. Puis c'est pas un mot à dire, mais on fait tous des mots puis des problèmes de syntaxe dans nos bouches. Puis... On a tous des problèmes, c'est ça que ça veut dire. Oui, puis il faut s'améliorer, mais merci Simon pour la correction, parce que foxes, c'est vrai que le pluriel de renard en anglais, c'est foxes et non fox. Merci Simon, ou encore merci Simon. Oh! Ah! Fallait que je le fasse. On retourne en musique avec notre palmarès francophone. On était rendu à un bloc qui est composé, entre autres, d'Élie Papillon. On va débuter en 15e place avec Marie-Pierre Arthur. Et ma préférée pièce, Emmène-moi! Hey, tout de suite, au 89 FM. Après ça, c'est la chronique, c'est un fait! Numéro 14. je me lasse. Mais où sont passés nos jours dorés, ces jours que j'ai tant savourés pour oublier le temps amer, trop éphémère, celui d'hier. Dans la cohue, j'étais perdue, je criais ton nom, je perdais raison, je tournais en rond et je touchais le fond. Oh, souviens-toi, nos jours dorés, ces jours que j'ai tant savourés. Sans toi, l'orage qui passe, ni les querelles qui cassent, ces querelles dont je me lasse. Où sont passés nos jours dorés, ces jours que j'ai tant savourés pour oublier le temps amer, trop éphémère, celui d'hier. Quand je vois le ciel, je savoure encore le goût du miel, mais je ne pardonne pas nos mille querelles. À jamais, nos mille querelles. À jamais, nos mille querelles. Ah oui, on vient d'entendre Ellie et Papillon avec Mille Querelles qui montent de 4 places en 14e position. Tu ris de mon « Ah oui ». C'est vraiment enthousiaste. J'essaie des fois, tu sais, c'est... Oh yeah, oh, groovy. Kiss FM. Donc toujours la vie de croisière d'Assemblage requis sur Cifou 89,1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Hein? Tout ça. Tout ça et plus oui. Encore. Hein? Ben oui, hein? Plus comme j'ai perdu mon dé. Bon, ben, c'est oui, le fun, ça. C'est super. Ben, moi, je pense que je vais t'en mettre d'autres, des idées dans la tête, moi. Vas-y. Parce que c'est la chronique C'est un fait qui commence direct là. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Toujours avec Jasmine, Raymond Réville et Simon Fitzbé et moi-même Mathieu Plante aussi. Oui, je suis ici. Yeah. Donc, saviez-vous qu'il y a une collection... Il y a un gars qui collectionne la mousse de nombril. Arc. Ah, il me semble. Non, mais moi, j'ai des... Ah, vas-y. Non. J'ai une anecdote, mais je la dirai après. OK. Ben, c'est ça. Il y a un gars qui... c'est Graham Barker qui collectionne sa mousse de nombril depuis 1984. Vous pouvez aller voir... En fait, je n'ai pas regardé s'il y avait des photos. C'est juste la sienne, hein? Il ne fait pas une collecte dans son entourage? Non. Okay, et il y a des photos, en effet. Et il y a des pots daté 84 à 93, donc vraiment le 9 ans dans le même pot. Puis c'est des petits pots quand même, on dirait des pots à jus. T'as 94 à 2000 et 2001 jusqu'à 3 petits points, c'est encore la même bouteille. Et on dirait qu'il fait exprès pour porter des vêtements d'une même couleur pendant ces périodes-là, parce que le premier pot est presque complètement vert et jaune, le deuxième est rouge et rose, et le troisième, c'est comme un mélange de gris, rose et plus foncé. Ouais, mais le vert et jaune, c'est peut-être juste l'âge qui ben fait oui. Sur la pousse. Ben oui, ben pourquoi qu'il met des pots transparents, le soleil, pis tout ça, voyons non. À moins qu'il y a une chambre noire. Ben, rendu là, s'il la collectionne, il doit bien avoir les installations pour l'entreposer. Mais tu sais que y a une émission qui existe à Discovery Channel, qui s'appelle Oddities. C'est dans une boutique de trucs glauques. Et un de ces quatre, ils ont reçu une fille qui faisait de l'art justement avec de la mousse de nombril. Elle sculptait des petits nounours, là, peut-être gros comme un ongle, là, et en mousse de nombril. Oh non. C'est très beau, mais c'était de la mousse de nombril. Et elle faisait également de la sculpture avec des ongles. Ah. Je trouve ça vraiment... De la taille d'ongles. on va se le dire, dégueulasse. Malsain, instable, psychologiquement. Malpropre. C'est juste du coton, du vêtement. Oui, je sais, c'est pas, ça vient pas vraiment de ton nombril, mais, non, là, mais quand même, ça reste dégueulasse. Mais quand même, tu sais, je sais pas, ça... C'est que ça se lave pas, ça, il me semble, à moins que tu puisses vraiment prendre... C'est comme si tu disais que tu gardes toute ta mousse de bas, là, puis que tu fais de la sculpture avec. Il y a un problème avec ça. Ben non, mais tu sais, moi, ma mousse de bas, je l'enlève, puis je le pitch à terre, puis je pense que ça va aller après, là. OK, cool, c'est détaillé, quand même. Moi, non, mais tu sais, je veux dire, non, mais là... Je la perds dans la douche, OK. Hein? En tout cas, vous savez de quoi je veux parler. Peux-tu te dessiner? Donc voilà pour la collection de mousse de nombril. Saviez-vous qu'autour du monde, la série télé Game of Thrones, Simon, je sais pas si t'es un fan. Pas du tout. Tu vas l'être sûrement un jour. C'est historique, ça? C'est comme historique? Non, c'est pas historique du tout. C'est genre Donjon Dragon dans une série télé. D'accord. Mais bref, donc Game of Thrones qui est piraté par autant de gens que ceux qui la regardent aux États-Unis. Donc, dans le monde, il y a plus de piratage, de gens qui piratent cette émission que de gens qui la regardent à la télé aux États-Unis seulement. C'est quand même quelque chose. C'est extrêmement populaire. Hein? C'est un phénomène incroyable, cette série-là. C'est gros, gros, gros. Et la capitale du piratage, apparemment, c'est Londres pour cette émission-là. C'est quoi le nom de la série? J'ai jamais entendu. Game of Thrones. Jeu de trône, ouais. Ben, dans le fond, c'est... Comment dire? C'est avec le gars qui fait Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, entre autres. En tout cas, l'acteur dont le nom m'échappe, mais ouais, c'est une série fantastique qui se passe sur une autre planète, mais qui est en fait la Terre, puisque c'est un peu comme le concept de la Terre du milieu. La Terre du milieu, c'est-à-dire c'est la Terre, point. C'est dans le fond, c'est un genre de monde parallèle où il y a des dragons et des trucs comme ça. J'ai peut-être pas une imagination à tout rond, mais c'est pas le genre de truc qui m'attire personnellement. Moi non plus. Mais chacun son genre d'émission. Là. Ah, Docteur Who, c'est bien meilleur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de la vraie science-fiction. Oui. Tant qu'à faire de la science-fiction, mais pas ça, c'est ça à terre, Docteur Who. Games of Thrones, en fait, c'est tiré d'un livre. Hein. C'est une série de livres d'un vieux bonhomme dont le nom m'échappe aussi, mais à ce qui paraît, c'est extrêmement détaillé en plus comme livre. OK. Et ben. Seulement 60% des gens sur Twitter ont déjà posté un message. 60% des gens qui sont inscrits ont posté un message et seulement 30% des gens continuent de le faire après avoir posté un seul message. T'sais? Donc, le phénomène Twitter est gros, mais c'est plus des abonnés que des participants. Là. Disons que la popularité de Twitter vient surtout des gens populaires qui sont dessus. Hein? Ouais. Mais moi, je trouve ça difficile à suivre. Moi, j'en ai un compte parce que je m'étais dit que j'allais réussir à suivre certains trucs, puis honnêtement, non. Ben, je trouve peut-être que si j'étais capable de l'utiliser... avec plus d'efficacité, ce serait mieux, mais honnêtement, je trouve ça compliqué. Ouais. Ben, c'est fun quand tu vas chercher quelque chose de précis, mettons la page d'une personne, mais j'avoue que suivre le fil d'une conversation, une fois que la conversation est démarrée, ils l'ont simplifié récemment avec leur interface en mettant un petit lien, genre afficher la conversation complète, ça déballe la conversation, tu peux la lire en ordre, c'est mieux que c'était, mais pour suivre des conversations, c'est plutôt merdique, comparé à Facebook, entre autres, où c'est beaucoup plus simple. Saviez-vous qu'il y a environ, et là je vais devoir vous l'expliquer en termes, vous faire un dessin presque à la radio parce que je sais pas si ça donne quoi verbalement ce chiffre-là, mais c'est 75 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 3-0 chaque. Là. Hein, 6 paquets de 3-0 chaque. Okay? Donc 18-0. Donc 18-0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 exactement. Donc 75 suivi de 18-0 grains de sable au monde, selon les estimations. Ah. Eh bien, hein. Ça prend environ combien de temps, vous croyez, pour faire bouillir un œuf d'autruche? Combien de temps... Faire bouillir. Faire cuire, comme? Ben, pour pouvoir, j'imagine, enlever la coquille puis le manger en œuf... Faire un œuf plus dur d'autruche. Je crois que oui. C'est 32 cool. minutes. Non! 31. Double ça, double. Hein? 64 minutes? 60 minutes environ, ça prend une heure. J'allais dire 4. Ouais, non. Donc, une heure pour faire bouillir un œuf d'autruche. Le premier article à avoir été vendu sur eBay, c'était un pointeur laser brisé. C'est un collectionneur de pointeur laser brisé qu'il a acheté pour 14,83$, où il y a des gens qui collectionnent des pointeurs laser qui ne fonctionnent pas. Les pointeurs laser maintenant, hein, qui sont en vente libre, qui peuvent déchirer du papier en brûlant. Hein? Les lasers verts. Ah ouais. Il y a les bleus aussi qui sont encore plus puissants. Mais ça va être, j'imagine, illégal dans quelques années, comme les tasers et les... Sur eBay, tu peux aller en chercher. Les points américains. Comme ça, j'avais dit points canadiens. Points canadiens. C'est l'affaire de métal que tu mets dans les doigts et que tu peux puncher quelqu'un. Oui, c'est pas légal, ça? Non, pas au Canada. Le premier tweet, on parlait de Twitter tantôt, le premier tweet qui a été envoyé par le fondateur Jack Dorsey en 2006 était, je cite, « Je suis en train d'inviter mes collègues. Mais en fait, en anglais, c'est deux mots. Inviting coworkers. Eh bien. Ouais. Les dinosaures sont arrivés à l'extinction. Se sont rendus jusqu'à leur extinction avant la formation des Rocheuses et des Alpes. Hein? Pour vous mettre, pour relativiser le temps. Il était en extinction avant même que les Rocheuses et les Alpes commencent à se former. On sait combien de temps avant? C'est pas écrit. Bon. C'est pas écrit, donc non, on sait pas. On sait, mais je sais pas, moi. Le cerveau utilise plus de 25% de l'oxygène utilisé par le corps humain. 25%. En tant qu'adulte, t'as 20 pieds carrés de peau sur ton corps, ce qui est à peu près l'équivalent d'une couverture dans un lit queen. Mais ça me fait penser qu'un jour, je vois un jeu de questions, de un peu comme quelques arpents de piège, quelque chose de même, puis il demandait c'était quoi l'organe le plus grand. J'avais comme pas pensé à la peau. Ouais. Est-ce que c'est tous les gars qui font... Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'était la peau. C'est ça. Ouais. Voilà. Long main. Long main. L'intestin doit être long aussi. Mais qu'il y a le plus de surface. Je sais pas trop c'était quoi le... En tout cas. La personne moyenne a combien de poils sur son sur sa tête, de cheveux sur sa tête? Ça dépend de qui. Ça dépend qui. On passe à un certain jubilaire de la journée de diffusion. Il y en a moins que d'autres. Ça dépend qui. Oh, salut François-Olivier Marchand. Salut, bonne fête! FO 12? Comment FO 12? Le reste des gens, on multiplie ça par des millions, fait que je sais pas. Non, seulement 100 000. Pas plus? Pas beaucoup quand même. 100 000 cheveux ou poils sur la tête. Donc, on parle de la tête au complet. J'imagine qu'on compte aussi la barbe. J'imagine. Sinon, tête, ça fait partie de la tête. Hein? Possible. Possible, mais... Je t'expliquerai pourquoi j'aspine autant de poils, mais sur le dessus, pas de barbe. Okay. C'est les poils de barbe qui ressortent de... Ça, c'est un casse, elle, qu'elle a. C'est bien fait quand même, c'est ça. La barbe est toute sur ma tête. Les poils poussent d'environ 5 pouces par année, 12,7 cm. L'école à la maison, comment est-ce que vous m'avez dit traduire ça tantôt, homeschooling? L'école à la maison. En fait, c'est très littéral. Oui. Hein? Ouais, tantôt, tu demandais la traduction de homeschooling. Ouais. Là, tu demandes la traduction d'école à la maison. Donc, c'est homeschooling. Oui, c'est ça, c'est homeschooling, en effet. Donc, c'est illégal en Allemagne. Pourquoi? Ben pourquoi? En fait, c'est que c'est seulement normal dans certains pays autour du monde. La plupart des endroits, la plupart des pays considèrent ça comme étant étrange et contre les normes culturelles. Donc, on a les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où c'est commun d'enseigner à ses enfants à la maison, que c'est considéré ordinaire. Mais des endroits comme l'Allemagne, eux, c'est complètement illégal. Pourquoi? Ben, c'est la raison principale. En fait, ils disent que c'est pour s'assurer que les Allemands ne soient pas derrière les autres pays en termes d'éducation. Premièrement. Ne faites pas de vos enfants des imbéciles. Voilà. Évidemment, tout ça est très, très controversé. Ceux qui s'opposent à cette loi-là disent que ça va contre les lois religieuses. Donc, ce qu'ils pensent, c'est que les parents vont leur enseigner quelque chose de non religieux. Alors qu'ils voudraient que les enfants, ce soit religieux, leur enseignement. Donc, ils disent que l'attente est ce que l'État fournisse un enseignement religieux correct. Voilà. Et puis, c'est ça. Voilà. Okay. Belle loi. Très belle loi. L'autotune. On connaît tous l'autotune quand les chanteurs chantent avec une voix tout à fait distorsionnée. À l'origine, l'autotune était utilisé pour trouver l'huile. De l'huile. Oui, de l'huile. Donc, évidemment, tout le monde de Justin Bieber à Lil Wayne utilise ça pour mettre sa voix sa coche sur la bonne note. Mais ça a été, comme je le disais, donc inventé par un ingénieur de chez Exxon, Andy Hildebrand, qui utilisait les ondes sonores, donc les sound waves, pour trouver l'endroit où l'huile était en dessous de l'eau. Il a réalisé que la même technique d'autocorrélation qui était utilisée pour trouver l'huile pouvait aussi ramener les notes au bon endroit. Donc en 1977, il a sorti un plugin autotune pour un logiciel de montage de son et ça a été utilisé dans le futur, si on plus tard après ça, pour corriger quelques notes dans les chansons. Et puis après ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait envelopper toute la musique au complet et les paroles chantées par des gens qui n'ont pas de talent finalement. C'est triste, hein? Les soldats de l'armée israélienne qui jouent à Donjons et Dragons sont envoyés chez le psychologue. C'est vrai. Donc, les gens qui jouent à D&D, Donjons et Dragons, vous savez que c'est un jeu de rôle très populaire où quelqu'un prend la position de Dungeon Master et les autres doivent choisir parmi différents personnages, par exemple des guerriers, des magiciens, des affaires comme ça. Ils doivent se battre les uns contre les autres. Donc, les joueurs s'appellent certains joueurs qu'on appelle des LARPers amènent ça jusqu'à un autre niveau complètement et s'habillent, dans le fond, portent les habits de leur personnage et se battent comme un genre de fausse bataille à l'extérieur. Donc, pourquoi est-ce que l'armée israélienne est contre le donjon, les Donjons et Dragons? Eh bien, c'est qu'ils disent que ceux qui participent à ce jeu-là sont détachés de la réalité et sont susceptibles à se faire influencer. Et donc, si une personne admet jouer aux Donjons et Dragons, s'ils admettent à l'armée, ils sont automatiquement placés sous surveillance et sont envoyés à un psychologue. Et vu que ce jeu-là n'est pas vraiment spécifiquement un jeu de gagnants et de perdants, l'armée, est, ce qui les dérange, c'est qu'ils croient que les participants entrent dans un monde complètement fou. Je sais pas ce que ça veut dire. Et puis, ça dit, malheureusement, pour les forces de la défense israélienne, le nombre de gens qui jouent à D&D a augmenté dramatiquement depuis que les films Le Seigneur des Anneaux sont sortis. Donc, il y a de plus en plus de gens qui jouent à ça. Et bien... continuons avec ce fait-là. Les statistiques montrent que 42% des gens du collège ou de l'université, j'imagine, ne lisent jamais un autre livre après être sortis de l'université ou du collège. Donc, 42% des gens ne continuent pas à lire du quoi? Tout par après. 42%. Où ça? Ça nous dit aux États-Unis. Je suis sûr que c'est pas vrai. Ben, je sais pas. C'est les statistiques 42. Qui disent ça. Donc, on dit évidemment qu'ils ont tellement lu de livres qu'ils se sont tannés et fatigués de lire des livres. Donc, ils en lisent plus après. Donc, on dit que le tiers des personnes qui graduent de l'école secondaire ne lisent jamais de livres non plus après la graduation. Les gens aimeraient mieux regarder le film que de lire le livre. Toi, Mathieu, ça fait depuis combien de temps que t'as pas lu un livre la semaine dernière? Excellente question. Depuis, je dirais le cégep. OK. Ouais. Fait que oui, beaucoup trop longtemps. Mais t'aurais pu, tu sais, inventer... la semaine dernière. Pas un menteur, moi, là? Ben, tu es un menteur, moi, là? Mais c'est vrai que la lecture est en baisse, malheureusement, un peu partout. Non, mais tu sais, il y a une différence entre pas lire du tout et pas lire de livres. Je considère que je lis beaucoup, sur Internet, etc. C'est ça, des magazines aussi. C'est ça. Les journaux, donc, c'est pas comme si t'arrêtais de lire. J'ai redécouvert le plaisir de lire des livres. Parce que même quand j'étais au bac, quand tu fais un travail en histoire, t'es pas nécessairement obligé de lire le livre au complet. Mais souvent, tu vas lire des extraits, tu vas lire un chapitre. Et de recommencer à lire au complet, de suivre quelque chose du début à la fin, même si c'est un sujet scientifique, ça peut être quand même intéressant. Et j'aimerais suggérer aux gens qui seraient intéressés de lire, soit achetez-vous peut-être un iPad, sur lequel on peut lire des livres. Un Kindle, ou il y a aussi l'équivalent, on ne va pas faire la publicité ici, mais les Kobo. C'est un peu moins cher, c'est canadien et c'est quand même plus. Moi, je trouve ça plus beau. Il y a une bonne galerie de livres disponibles. On parle d'un million de livres gratuits et plusieurs autres millions de livres en vente. C'est sûr qu'il y a beaucoup de contenu en anglais, mais je suis sûr qu'il doit se forcer sur le français. Éventuellement, je vais peut-être me procurer une tablette X un de ces jours. Parce que toutes les tablettes, justement, iPad et tout ça, c'est pas super pour lire. C'est pas idéal pour lire, mais les liseurs électroniques, ça, c'est incroyable. L'encre est faite exprès. Ouais, c'est pas de l'encre, mais c'est fait pour être lu au soleil, entre autres. Mm-hmm. Ils appellent ça de l'encre électronique. Je sais pas comment ça fonctionne. Non, mais je trouve ça bizarre, mais c'est cool pour eux. Ouais. J'en ai déjà vu, puis je suis quand même une fan du livre, mais c'est cool. Très cool. Ça prend moins de place, puis t'en as plus. Oui. Voilà pour la lecture, et puis je pense qu'on va terminer là-dessus. On en fera d'autres la semaine prochaine. Voilà. On va retourner en musique pour aller entendre encore un petit peu de... En fait, je pense qu'on va terminer l'heure ici. Ce serait mieux comme ça, parce que le temps file et on a d'autres choses à faire dans cette émission-là. Donc, on va y aller avec notre petite chanson de fin d'heure. Ah, c'est beau. Plus tard dans l'émission, on n'a pas Mathieu Roy cette semaine, malheureusement. Mathieu Roy est absent. Pas de bateau. Pas de chronique nautique. Par contre, plus tard dans l'émission, on va avoir la chronique de Simon Fitzbé qui s'en vient. Il va nous parler du contrôle des naissances, Simon. Effectivement. Ça va être bon, oui. Et on entendra aussi la musique des Delaware Chuck et des Breastfeeders et des Revenants. Vous êtes à la vie de croisière d'assemblage requis. Restez là. toujours la vie de croisière d'Assemblage Rocky pour la semaine du 28 mai 2012. C'est Jasmine Raymond-Dréville. Et lui, Mathieu Plante. Oui, Simon Fitzbé, toujours avec nous. Il s'en vient avec sa chronique pour les nuls dans quelques minutes. Effectivement. Ouais. Avant ça, par contre, on va continuer avec un petit peu de palmarès francophone pour la période du 28 mai au 10 juin 2012. On va entendre tout à l'heure les Breastfeeders avec Ce ne sera pas un jour comme les autres en 12e, mais on débute en 13e place. Avec les Delaware Chuck et la chanson Résidence Soleil. Ah, c'est fou, dans vos oreilles. Si on dit que tout va, tout s'en va. 11. D'un inconnu des revenants, position numéro 11. Ça monte de 5 places et c'est 4 semaines de présence pour cette pièce-là. Super. Hein? Juste avant, on a entendu les Breastfeeders avec Ce ne sera pas un jour comme les autres qui montent en 8 places. Oui, et on a débuté le bloc avec les Delaware Chuck et Résidence Soleil qui montent de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Voilà. La toune s'appelle Résidence Soleil. C'est bien. Oui. Ah, mais on a cherché. La semaine passée, j'ai essayé d'y montrer à Mathieu la pub des Résidences. Il ne l'a jamais vue. Hein? Non. Achète-toi une télé, Mathieu, franchement. Ben, j'ai une télé, mais achète-toi un satellite qui pogne les postes de Trois-Rivières. je vais mettre là-dessus, je vais te le trouver. Ouais, c'est ben, au pire, il y a peut-être les parodies de 3600 secondes d'extase. Ça, il y avait ça, par contre. Qui sont vraiment mourantes. Et c'est jamais aussi drôle que l'original, dans ce cas-là, j'imagine, c'est ce que Jasmine me disait. Ah oh non, c'est sûr. Non, c'est pas pareil. Trouve ça et puis poste ça sur la page Facebook, s'il te plaît. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis, en compagnie de Jasmine Raymond-Réville, Simon Fitzbé, David Ferron et moi-même, Mathieu Plante. On y va avec la chronique de Simon tout de suite. Hein. On l'a fait plutôt que d'habitude. C'est pour les nuls. Simon Fitzbé qui ne se rappelle plus de son heure de chronique. À chaque semaine, je ne me rappelle jamais de l'heure à laquelle je suis présent. Parce qu'on lui a dit, ta chronique est plutôt que d'habitude. Il dit, comment ça plutôt que d'habitude? Ben, t'es à 3h15 d'habitude. Au début de la troisième heure, si on veut. Je suis pas un fan de tatou, mais je pense que je vais commencer à me faire tatouer des trucs. Là. Ramener mon thème à Mathieu, faire ma chronique à 3h15. Ben, l'iPad aide beaucoup à gérer ton horaire. Gars, l'autre, qui est en train de vanter son iPad. Hein. Mais on en parlait, là, je sais que la chronique de Simon va commencer éventuellement. Petite parenthèse ici, c'est que David a un iPhone, un iPad et un MacBook Air. Attention aux voleurs. Ah, il habite au... son bureau est au coin de... non, c'est ça. Donc, on se demandait l'utilité d'avoir un iPad en plus des autres. Et la semaine prochaine, tu t'es donné comme mission de nous dire pourquoi le iPad est important dans ta vie. Exact. Ben, pas juste dans ma vie, mais pourquoi dans vos vies ça serait important? Oh! Ça attention. Serait important, il vous le faut. Oui. Gardez vos 800$ de côté, s'il vous plaît. Ça m'a même pas coûté ça. Bon, d'accord. Donc, on en reparle la semaine prochaine. Mais là, Simon, c'est la chronique pour les nuls. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet quand même assez chaud et d'actualité. Là. Chaud comme du petit lait que tu te versais sur le poignet. Là. Pouit, pouit, pouit, pouit. Effectivement, mais je te dirais que c'est quelque chose qui est d'actualité depuis plus de 100 ans hein, déjà. On en parle pratiquement toujours de oui, ce les, sujet-là. Les femmes existent depuis 100 ans à peine. Non, mais en fait, le contrôle des naissances est dans le débat public, dans l'actualité depuis pratiquement 100 ans. Mais ça, on va y revenir. En fait, je vais vous faire un peu l'histoire de tout ça auparavant. Saviez-vous que le contrôle des naissances, c'est-à-dire la contraception, comme on le dit et en bon français... Non, pas l'anti-contraception, parce que « contrat » veut déjà dire « contre ». Effectivement, la... ben, en fait, en étymologie, le terme « contraception » veut dire « contrat contre ». Et « conception », eh bien, c'est du latin « conceptio concipérer, voilà, concevoir. C'est la formation d'un nouvel être et donner naissance. Et je dois souligner et faire un petit... Petit aparté là-dessus. Oui. C'est drôle de parler de ça aujourd'hui parce que hier soir, j'ai appris la nouvelle qu'une de mes amies vient juste d'avoir sa petite fille. Oh. Donc, on la salue. Odélie, salut, mais t'es encore à l'hôpital. Tout va bien, le gros bébé de 8 livres et 6 onces. Fallait. Ouais, il dit chubby. J'étais plus gros que ça. Mais quand moi, j'étais chubby. Moi, je pèse encore ça. ouais, bref. Là. Saviez-vous que les premiers signes de contraception qu'on a retrouvés, c'est chez les Mésopotamiens, environ 1600 ans avant Jésus-Christ. Écoutez, les femmes utilisaient des pierres pour ne pas concevoir. Comment ça, des pierres? Ils prenaient des pierres ovales ou arrondies qu'elles s'introduisaient dans le, tu veux dire, dans le mot scientifique vagin. Ça a été donc la première méthode intra-utérine qui a été utilisée, c'est-à-dire de la femme qui se protège elle-même. Mais il y a eu également, en Égypte, entre autres, le papyrus Herbès qui lui a aussi été utilisé. En fait, il est composé d'excréments de crocodile, de natron de miel et de gomme arabique. Donc, c'est le premier préservatif masculin qui est fait en papyrus qu'on enroule autour du tu veux dire. on dit également que les premiers préservatifs masculins qui ont été réalisés étaient avec des intestins de petits animaux, donc de chats, de chèvres, etc. On peut toujours en retrouver en intestin de chèvre dans les pharmacies. Des oui, pour ceux qui sont allergiques au latex. Oui. Ça coûte plus cher, par contre, ce qu'on m'a dit. Oui, mais ça existe, fait qu'arrêtez de prendre ça comme excuse, je suis allergique au latex. Ouais. On l'entend souvent beaucoup trop, ça. Oui, beaucoup trop, et c'est beaucoup trop dangereux. Ouais. Et également, du côté des Araméens, eh bien, ils sont de confession hébraïque et utilisent les conseils du rabbin. C'est une éponge placée dans le vagin pour empêcher le sperme d'atteindre l'utérus. Mais ça, l'éponge, ça existait jusque dans les années 90, je crois qu'ils l'ont retiré du marché, un type d'éponge, oui, en tout cas. Oui, effectivement. Oui, il y avait un épisode de Seinfeld là-dessus. Effectivement, oui, ça fait partie. Que ça? Parce que moi, je me rappelle de mes cours, mettons, de bio de secondaire 3, puis je me souviens qu'ils nous avaient présenté ça. Là. Oui, ben, je pense que ça existe encore. Ça doit encore exister, ce genre de truc-là. C'était plus rare. L'éponge et le spermicide, en fait. Fallait mettre les deux. Hein. Fallait mettre l'éponge, après ça, le spermicide. On pourra en parler tout à l'heure, d'ailleurs, des différents systèmes de contraception. Il y a aussi, bon, entre-temps, après Jésus-Christ, l'Église catholique qui est arrivée, hein, donc qui a eu ses positions très, très claires par rapport à la contraception. En fait, c'est toujours opposé à la contraception. Elle préconise des méthodes naturelles de régularisation des naissances. L'abstinence, exactement. En fait, on appelle ça aussi maintenant la planification familiale naturelle, c'est-à-dire qu'on n'utilise rien pour empêcher. La sexualité doit être, selon les catholiques, toujours source de joie et ne doit pas être plutôt source de joie et de plaisir, mais plutôt pour la reproduction en elle-même. C'est un job. Oui, exactement. Et si vous n'avez pas besoin de faire d'enfant, ben faites-en. Retenez-vous, oui. Exactement. Le devoir conjugal. M'enlève les mots de la bouche, Mathieu. Exactement. Et savez-vous, il y a eu aussi, et ça c'est Wikipédia donc qui me donne ces informations-là par rapport à ça, mais il y a eu des systèmes farfelus de contraception qui ont été inventés à travers les années, dont entre autres enflammer un trognon de chou et l'étendre dans le sang des règles. Okay. Ça peut aider à ce qu'il paraît. Ça doit sentir bon. Oui, également, on dit que pour ne pas être enceinte pendant une année, il suffit aux femmes de cracher 3 fois dans la bouche d'une grenouille. Ça, Jasmine, j'aimerais ça t'essayer ça. fais. Ça c'est pourrait être utile. Je fais que je crache trois fois dans la bouche d'une grenouille, puis ouais. Je suis correct. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas qui fonctionnent avec la moutarde. Fait que ça... Il y a également attaché un œil de cerf qui louche avec une racine de marjolaine et l'arroser le soir d'urine de taureau de roue. D'un taureau roux plutôt. Le taureau doit être un taureau roux. Un taureau roux. Également faire une ceinture avec les poils des oreilles d'un mulet, animal stérile, ou boire son urine. Il y a également des talismans à faire avec des oreilles ou des testicules. Oh. Mot scientifique également encore. Il y a aussi les fientes d'éléphant mélangées au lait de jument portées en talisman, donc et qu'on se place sur l'espace féminin. et il y a également de se laver dans la fontaine de Saint-Martial ou boire l'eau de la fontaine de Saint-Estelle en France. J'aime ta chronique. Culinaire. Ah, ça a l'air très bon. Hein. Un zeste de citron. Mais d'une façon un peu plus, c'est-à-dire un peu plus candide, hein, le début de la régularisation des naissances et l'idée justement de peut-être avoir un certain contrôle là-dessus nous vient de Thomas Malthus, qui était un grand penseur de l'époque. En fait, lui s'est arrêté sur la société au 19e siècle, étant entre autres un grand pourfendeur de l'espace privé, de l'espace public. Il a été en fait sociologue avant son temps. Il observait la société dans laquelle il était. Il se disait, il y a des trucs qu'il faudrait peut-être qu'on régularise, c'est-à-dire aussi comme l'instauration des services publics pour aider les pauvres et les indigents, donc les gens qui avaient du mal. Bref, lui s'est rendu compte qu'il pouvait avoir éventuellement, si on ne contrôlait pas les naissances, une surpopulation, trop de gens sur la Terre, éventuellement. C'est sûr que c'est vrai, c'est ça. Oui, qui mangeraient les ressources, etc. et tout. Et donc, il a été le premier pourfendeur, en fait, d'une politique de contrôle des naissances qui a été mise en œuvre, donc, par plusieurs pays, en fait. Mais malheureusement, ça ne s'est pas toujours fait avec... C'est-à-dire, ça s'est pas toujours fait d'une façon très noble. D'ailleurs, on parle entre autres de l'eugénisme avec le nazisme, c'est-à-dire qu'on contrôlait les naissances. Il fallait que les enfants soient ariens et qu'ils soient de la bonne religion également. C'est un peu n'importe quoi. Il y a également les stérilisations contraintes, comme on a vu au Japon, aux États-Unis également, en Suède, en Allemagne nazie, bien sûr, au Pérou. Ainsi qu'un peu partout ailleurs. Il y a eu d'ailleurs Chiang Kai-shek, c'est-à-dire le ressortissant chinois, qui a été mis assigné à résidence il y a de ça, je pense, 2 ans. Il vient de sortir de la Chine là, pour s'en aller étudier aux États-Unis. C'est un avocat. Et lui, il a été assigné à résidence parce qu'il a dénoncé justement les Chinois qui font des stérilisations sélectives chez les femmes. Donc, ils en prennent une, puis ils la stérilisent, puis ils font des avortements également. Et lui s'est battu contre ça parce que c'est encore quelque chose qui est pratiqué aujourd'hui. En 2012. Oui, et Malthus, en fait, n'avait pas nécessairement tort dans sa façon de voir la surpopulation imminente de la planète, puisque, pour vous donner une idée, de 1900 à 2000, on a passé de 1,6 milliard de personnes à 6 milliards sur la planète. Donc, éventuellement, c'est sûr que si on fait pas quelque chose contre ça, si on n'a pas une hygiène de reproduction, si on veut qu'il y aurait plus d'allure, on serait comme beaucoup trop. Et donc, ces contrôles des naissances-là, ils sont devenus de plus en plus populaires après le 19e siècle, aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On était un peu dans un genre de néant à savoir comment ça allait marcher. C'est ce qui nous amène, en fait, avant de passer au Canada comme tel, parce qu'on va parler un peu plus de ce qui s'est passé à partir du 19e siècle au Canada, vu que ça nous touche un peu plus. Je vais vous parler des différents systèmes de régulation des naissances et de leur pourcentage de faisabilité, de comment que ça marche ou comment ça marche pas. Donc, avec aucune méthode, il y a 85% des chances de tomber enceinte. Pour une femme, carrément. Okay. Ce soit avec une utilisation correcte ou avec un emploi typique, les deux, c'est égal. Avec la pilule, s'il y a une utilisation correcte, c'est 0,3% des chances de tomber enceinte malgré la pilule. Si un emploi typique, c'est-à-dire si la fille saute une fois de temps en temps, sa pilule, ben là, ça remonte à 8%. Si on utilise un stérilet, ben là, c'est 0,6% des chances avec l'utilisation correcte. Là, je sais pas comment ils font pour calculer une utilisation qui est pas correcte du stérilet, parce que c'est quelque chose comme... Mais c'est 0,8. Il y a plus de chances de tomber enceinte avec un stérilet qu'avec la pilule, je sais pas ça. Oui, effectivement. Donc, même si c'est utilisé à bon escient. Il y a 2% des chances de tomber enceinte si on a un préservatif masculin. Du côté du couet interrompu, hein, ça c'est toujours très plaisant. 4%. Préservatif féminin, c'est 5% Donc, c'est un peu moins bon que le préservatif masculin. Je suis surpris pour le coït interrompu. Je pensais que c'était beaucoup moins fiable que ça. Eh bien, ça dépend de où est-ce que tu considères que ton coït est interrompu, j'imagine. Utilisé d'une façon... c'est-à-dire, si on n'utilise pas la bonne méthode de coït interrompu, mais là, ça monte à 27 %. Donc, okay. C'est entre 4 et 27. Il y a également, d'autres, le timbre contraceptif, quelque chose qui est de plus en plus populaire. Je connais en fait, pas ça. Ça remplace la pilule contraceptive. C'est comme une patch. Une patch que tu te mets sur le bras. Hein? Jasmine, peut-être tu peux nous en parler. Ben, ça peut être n'importe où. Il faut juste que tu changes d'emplacement à chaque semaine. Je sais plus trop. Ah, ouais. Je n'ai pas ça, là, mais pour avoir eu des amis, mettons, qui avaient ça, je pense que c'est aux semaines ou aux mois qu'il faut que tu changes d'endroit. Que tu en prennes un nouveau. Eh ben, pour pas créer l'habitude, dans le fond. Pour pas que ton corps. Parce que je pense que c'est comme irritant pour la peau à long. Oh, si okay. Tu mets tout en même place. Une patch de nicotine qui peut jaunir la peau, ben ça peut faire ça. Mais oui, effectivement, donc c'est la même possibilité de tomber enceinte que la pilule contraceptive. C'est à peu près le même produit, je pense, qu'on retrouve là, dans les deux. Et il y a plusieurs autres méthodes. La méthode du calendrier qui a 9% de possibilité de tomber enceinte, mais ça peut monter à 25% si c'est pas bien fait. La méthode de la température, complètement déconseillée, parce que 25% des chances de tomber enceinte, c'est assez incroyable. Mais ça, excuse-moi pour revenir au calendrier, je pense que les gens servent plus du calendrier, au contraire, pour essayer de tomber enceinte, je pense, de toute aussi, façon. Aussi, oui, oui. Ben, c'est une façon, en fait, de calculer quand même assez exact, si c'est bien réalisé, de savoir quand la femme ovule et donc a des risques de tomber enceinte. OK. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais bref, le contrôle des naissances, retournons à ça. Au niveau du Canada, il y a le contrôle des naissances, l'expression ici apparaît en 1914, il signifie la limitation volontaire de la conception par le recours à des moyens mécaniques ou chimiques, donc ou à un des deux sortes de moyens de régulation de naissance. En 1892, le contrôle des naissances est considéré comme obscène et incite à la corruption morale. Si la personne donc on peut être accusé, c'est le code criminel qui est en cause ici. Si quelqu'un est accusé, eh bien il ne peut prouver en fait qu'il agit pour le bien public, c'est-à-dire d'empêcher la naissance d'un Damien, c'est-à-dire Damien, je parle du fils de Satan, oui, okay. etc. Il pourrait être mis en prison pour 2 ans. Et la prison en 1892, c'est pas très très plaisant en passant. Il y a eu donc des avancées au niveau de cela, parce qu'on continue à mettre des gens en prison, mais on commence à faire des recherches dans les années 20 pour justement trouver des méthodes qui seraient les plus nobles, en fait, de limiter les naissances. En 1930, il y a un programme de contrôle des naissances qui est offert aux femmes de classe à faible de la classe à faible revenu, oui. Ça a été offert par M. Kaufman, un philanthrope en Ontario, à Kitchener, en fait, sur demande du Bureau d'information parentale, le Parental Information Bureau. Donc, les médecins sont disposés à fournir des diaphragmes, à effectuer des stérilisations également chez les femmes qui voudraient arrêter de procréer. Par contre, les gens du PIB ont été arrêtés en 1936 dans une banlieue défavorisée d'Ottawa, à prédominance francophone, donc où on essayait justement d'éduquer les gens à avoir une meilleure éthique de régulation des naissances. Hein? Donc ils ont été arrêtés en 1936. Il y a eu également en 1955 le service de régulation des naissances, mieux connu sous le nom de Serena, qui est fondé par Gilles et Rita Brault à Lachine, au Québec. Et c'est pour faire connaître des méthodes naturelles de contraception. Donc un peu dans la pensée catholique. On sait au Québec on est très fort là-dessus, là, les conceptions catholiques des choses. Et donc c'est un groupe confessionnel qui prône la perspective essentiellement chrétienne du contrôle des naissances. Par la suite, on a connu également en 1963 Barbara et George Cadbury, des ardents défenseurs de la limitation des naissances, qui mettent sur pied une fédération regroupant les associations de contrôle des naissances de Vancouver, Winnipeg, Hamilton, Toronto et Ottawa. Ça, c'est toujours du côté du Canada anglais, parce qu'il y avait une mentalité qui était un peu différente de ce côté-là. Donc, c'est devenu la Canadian Federation of Societies for Population Planning, ou la Fédération de la Planification Familiale du Canada, qui s'est efforcée, en fait, de mettre de la pression sur le gouvernement et sur les institutions publiques afin de décriminaliser les méthodes de contraception, ce qui est arrivé en 1969 au niveau du code criminel, malgré les doléances là, des curés qui étaient vraiment frustrés et fâchés contre ça. Et pour ce qui est de l'avortement, eh bien, au Canada, c'est légal depuis 1988. Mais ça, l'avortement, on remonte à longtemps. Hein. L'avortement, ça existait même à l'époque des Grecs. Et lorsque l'avortement ne fonctionnait pas, eh bien là, c'était l'infanticide. Et ça, je sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, l'infanticide, mais c'est quand même assez dégueulasse. Hein. Ouais, est-ce qu'on raconte ça à la radio? Ben, juste dire qu'en fait, c'était beaucoup c'était beaucoup pratiqué à Sparte. Hein. Les Spartiates qui faisaient ça, eux autres, qui, dans le fond, c'est un infanticide. C'est comme un homicide, mais avec un enfant. Genre. Oui, voilà. Donc, j'imagine que toi, Mathieu, tu m'avais posé la question par rapport aussi à ce qui s'est passé en Ontario, mais aussi ce qui se passe aux États-Unis oui. par rapport à les régulations des naissances. Bref, je vais vous expliquer d'abord en Ontario qu'est-ce qui se passe. Ce sont des femmes, c'est les Indiennes, hein, c'est bien ça? Au Canada, je ne sais même pas. En tout cas, ben, bref, il y a eu un petit scandale, en fait, il y a 3 semaines. C'est des femmes qui font des avortements qu'on appelle sélectifs. Et ça, un avortement sélectif, c'est que, vous savez, de plus en plus, on est capable de distinguer le sexe de l'enfant avant sa naissance et avant la période de 3 mois donc où un avortement est considéré comme légal au Canada, c'est-à-dire qu'après 3 mois, c'est non seulement un avortement qui est risqué, mais on considère que le fœtus est assez bien développé pour qu'il puisse en venir à bout, si oui. on veut. Ce sont des femmes qui décident délibérément de mettre fin à leur grossesse une fois qu'ils connaissent le sexe de leur enfant. Si c'est une fille... Et c'est pas un jugement de valeur par rapport au sexe, plus que le rapport économique de la fille pour une famille. C'est-à-dire que dans ces, en Inde, entre autres, mais également en Chine, parce qu'on fait ça aussi en Chine, oui. une fille c'est considéré comme un fardeau économique beaucoup plus qu'ici au Canada où les femmes sont de plus en plus émancipées et occupent de plus en plus de postes de pouvoir. Bon, certaines féministes diraient que c'est pas encore fait, mais bon. Ils sont pas encore rendus à l'égalité, mais ça avance beaucoup plus que là-bas. Et donc, c'est le petit scandale qu'il y a eu, en fait, au Canada. C'est surtout ça. C'est ces femmes-là qui font des avortements sélectifs. Et là, ça ramène tout le débat sur l'avortement qui n'arrête pas à cause des conservateurs. et je vais essayer de me limiter mes mots pour ne pas être trop méchant. C'est ça. C'est, oui, les conservateurs qui mettent de l'avant, en fait, l'idée de rendre illégal encore maintenant, non pas la contraception, mais l'avortement. Et là, on utilise une nouvelle tactique qui vient d'être mise à l'épreuve aux États-Unis. Je crois que c'est au Connecticut. Je n'ai pas l'état en tête comme faut, mais on a fait passer une loi où le fœtus, en fait, devient un être humain 2 semaines avant sa conception. Avant sa conception. Mm-hmm. Ouais. Et on veut imposer ça au Canada, dans le fond. Ouais. C'est-à-dire que le débat n'est pas... On dévie la chose. On fait plus un débat sur la légalité ou la moralité de l'avortement. On fait un débat, dans le fond, sur est-ce que ce qu'on avorte, c'est un être humain ou un fœtus qui n'est pas encore à terme, c'est-à-dire à possibilité de devenir un humain. Et ça devrait se dérouler d'ici septembre, j'imagine, parce que c'est un projet de loi privé qui a été passé au feuilleton. Mais un projet de loi privé, c'est un seul député qui mène le projet de loi et non pas le gouvernement au complet. Projet de loi privé, en fait, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, mais je peux pas vraiment vous en dire plus pour ce qui est du moment. Ouais. Mais 2 semaines avant, y pensez-vous? Mais là, ils vont forcer les femmes à se faire scanner l'androgène. L'androgène, savoir. C'est-à-dire aussitôt que tu tombes dans la dernière semaine de tes de ta pré-fécondité, si on veut, oui. ou aussitôt que tu es dans ta période menstruelle, en fait, là, tu tombes comme possibilité d'avoir un fœtus. Mm-hmm. Donc, si tu procrées pas, ben, en fait, tu te mets en danger vis-à-vis de la loi, là, parce que là, tu t'interromps une possible naissance qui pourrait arriver. Peut-être le futur président des États-Unis, tu sais. Oui. Mais en plus, c'est que c'est un comité composé, en tout cas, au moment où j'avais vu ces nouvelles-là, c'était composé d'hommes seulement qui décidaient donc du futur des femmes. C'est ça qui est assez incroyable. Et justement, le cas des avortements sélectifs, ben, ça aide à renforcer justement cette idée-là que l'avortement, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que vous voyez qu'est-ce qu'on en fait de ce droit et liberté canadienne, cette belle liberté-là. Mm-hmm. On la bafoue en faisant des sélections de qu'est-ce qui est un humain noble ou non. L'expression. C'est ça, puis ce débat-là va continuer pour toute la vie, mais tu sais, l'avortement, c'est quelque chose qui est des fois nécessaire dans certains cas. Je veux dire, tu peux pas juste forcer la mère à avoir un enfant, même si ça résulte d'un viol ou que ça résulte d'inceste, que Exactement. Ça résulte de n'importe quoi, tu sais. Et tu me laisses juste 2 secondes pour parler de Rush Limbaugh et de son appellation de SLUT à une certaine jeune femme américaine par rapport à la contraception. Bien sûr, vas-y, mon Limbaugh. le bord. Mais c'était le bord, mais en tout cas. Bref, c'est donc Rush Limbaugh qui, il y a un mois à peu près de ça, on a ouvert un genre de boîte de Pandore lorsqu'on a parlé c'est-à-dire les assurances gouvernementales pour les étudiants à l'université, et ainsi que pour les employés. Du gouvernement qui reçoit dans le fond une assurance qui paye tous leurs médicaments et qui paye donc leurs soins aussi lorsqu'ils vont à l'hôpital. Et dans ces fameux médicaments-là, ben, il y a la pilule contraceptive et autres moyens de contraception. Et bien là, la droite religieuse, dans le fond, viennent de le faire annuler dans certains États, justement américains, parce qu'ils considèrent que ça contrevient à la liberté de religion que de rendre disponible un moyen de contraception tel que la pilule anticonceptionnelle ou le condom. Ou etc., etc. Et là, il y a une Américaine étudiante qui, elle, est allée dans les médias, mais qui a dit, vous imaginez pas, ça nous coûte vraiment cher, là, cette petite pilule-là, là, c'est au-dessus d'une vingtaine de dollars, mais avec les assurances, ça peut coûter seulement 2 ou 3 piastres. C'est vraiment avantageux. Et il dit, pour notre sécurité économique, on aime beaucoup mieux avoir cette assurance-là et pouvoir justement faire nos trucs sans danger que de tout le temps se poser la question. Et Rush Limbaugh, il dit d'une omniscience incroyable. Ce gars-là est allé dire, mais voyons donc, t'es à l'université pour étudier, t'es pas à l'université pour faire des choses, des parties de jambes en l'air avec n'importe qui, espèce de SLU. Elle le dit explicitement. Oui, il a traité de pute. Il a traité de traîner. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et, le gars, il traite la vie de traîner. Il en a son 6e mariage. OK. Et combien d'enfants sauvegardés? C'est pas public. Non, c'est ça, on sait pas. Ceux qui savent que c'est vraiment son enfant, il y en a peut-être d'autres qui ne savent pas. Oui. Donc, voilà. Ben, merci, Simon. Merci. D'avoir. Bref, mais c'était plaisant. C'était très plaisant, comme toujours, comme faire des choses. C'est plaisant. Donc, on rappelle, on y va avec tes plugs? Oui. Ça te tente, Simon? Ben oui. On oublie des fois. Donc, Plugging Time, lundi soir entre 20h et 22h, c'est un genre de bleu, ton émission de jazz. Effectivement, et on va commencer éventuellement à vous parler du festival de jazz, hein, parce qu'il arrive tranquillement, pas vite. Mm-hmm. On va avoir des débuts de casserole pendant le festival de jazz. Ça va être plaisant. Donc, c'est lundi 20h, ça repasse dimanche à 17h et mercredi à 13h. T'as aussi les vendredis matin à 10h, l'émission Album Classique. Oui, on vous présente un album dans son entièreté tel que les artistes qui l'ont créé le souhaitaient. Wow. Serge joue les dimanches à 13h, entre autres. Et finalement, ton émission Catalepsie qui est en reprise tout l'été, les samedis soirs à 19h. C'est l'émission musicale thématique. Oui. Voilà. Simon Fitzbé, ta chronique pour les nuls. La semaine prochaine, c'est vers les 15h15. Oui. Là, je vais l'écrire sur mon bras en gros. Il va te faire des tatouages temporaires avec le nombre de fois qu'on change d'heure et de place dans l'arrière. Est-ce qu'on lui a trouvé un sujet, finalement? Oh, hey, c'est vrai. Ben, on parlait des livres électroniques tantôt. Moi, je serais prêt à relever le défi. Yeah! Relever le défi! Yeah. Oh, peut-être un débat sur les livres électroniques et tout ça. Peut-être qu'on pourrait faire un débat. Toi, tu veux défendre ton iPad? Oui! OK, donc la semaine prochaine, ta chronique portera sur l'iPad, celle de Simon sur les livres électroniques et on aura un débat. Qui viendra chapeauter tout ça. Ben, je sais pas qu'est-ce que Simon en pense. C'est pas pire, ça. On verra la semaine prochaine. OK. J'aime l'idée. Donc, voilà, merci Simon. À la semaine prochaine. Merci. Tu restes un peu avec nous? On verra. Donc, on y va avec un autre bloc de francophones dans le palmarès. Il va y avoir plus tard Radio-Radio avec Gallup, notre ancien numéro 1. Mais on débute en 10e place, Jasmine. Avec Robopop et la pièce Planétarium qui redescend quand même rapidement de 8 places. Oh. À la 8 croisière de Sondage Rock. La gare est triste et sans histoire. Lorsque la destination est la souffrance et le deuil, le train est plus rapide que l'œil. Le wagon fantôme prend la vie

That's right, it's comme the bell at the ball. Surveille et toss, si ça se passe, on brasse, on coupe des os. Poker, hold'em, fold'em, can't have a loss. Je vais de la simplistic, hedonistic, wizard of Oz. Je vais de la gold brick road, à la fin y'a pas de tôle. Mais y'a de la ride, c'est ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Jusqu'à la fin, pis t'arrives, y'a plus de balle. So galope, back up, saddle up, trouve un autre bal. Si y'a de la weekend, des intronics, we can prove an old bad, so right on. Body pull veille tower. Body pull veille tower. Body pull veille tower. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Baron, that's right, it's comme the bell at the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Baron, that's right, it's comme the bell at the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Baron, that's right, it's comme the bell at the ball. Radio Radio est lancé numéro 1. Galop, c'est maintenant en 9e place du palmarès francophone. On a entendu juste avant un Robopop avec Planétarium. Là, je pense que je suis en veille de lancer un sondage. Là. Qu'avez-vous comme appareil électronique à la maison? Et pourquoi les avez-vous? Le débat est relancé avec David qui a un iPad, un iPhone et un MacBook Air. Puis que je me fais traiter de princesse à cause de ça. Mais est-ce que tes raisons ne se tiennent pas? T'as le droit d'avoir tes droits d'appareil si t'aimes oui. ça. Si le raisonnement est « j'aime ça puis je suis un gars de gadget oui. », fine, je te respecte. J'aime ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va s'acheter des Kinect ou des Xbox, des trucs de même. C'est mon seul Mais gadget okay. que je me suis permis. Ben, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tout le monde a droit à plusieurs consoles. Et justement, ouais. la comparaison est excellente. Parce que ça se tient pas. Parce que mettons que t'as plusieurs consoles de jeux vidéo, t'as ouais. mettons une Xbox, une PS3 et une Wii, ok? C'est trois consoles de jeux vidéo, certains diront, mais t'as trois fois même affaire. Non, parce que les jeux sont tous différents et disponibles seulement sur l'un et l'autre. Alors que l'iPad et le MacBook, les applications sont tellement redondantes sur les deux. Non plus. Bon, mais je suis pas d'accord parce qu'il y a des applications que tu ne peux pas avoir sur ton appareil qui te permettent de compléter tes travaux scolaires Tout sur ton fait. iPad, qui te permettent de la recherche, de faire du traitement, tandis que il y a pas... Il y a certaines choses qui sont plus simples à faire si tu veux compléter des trucs PowerPoint, des trucs de main avec ton iPad, que ouais. ton ordinateur peut t'aider. Les deux se complètent bien pour faire un travail puis ça te permet de rendre encore plus efficient tes travaux. Bon, d'accord. Puis ton logement au niveau de classement de dossiers et tout ça, ça aide beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple pour moi qui est quelqu'un qui est désordonné, qui a des problèmes de déficit d'attention diagnostiqué. Pour moi, un iPad, ça m'aide beaucoup au niveau de ma concentration. Okay. C'est vrai. Et je fais des meilleurs travaux depuis que j'ai un iPad. C'est con à dire, mais c'est vrai. Je peux vous le prouver. Je n'en doute pas dans ce cas-là de bord, mais bon, le débat mais continue. Mais prends-le pas comme ça, là. Non, c'est ça. Parce que si je l'aurais vraiment trouvé inutile, je l'aurais revendu. Ouais, bon. Puis je le vends pas, je le garde parce que je l'aime, moi. OK, on sent un petit peu de tension, donc on va continuer. C'est coupable avec un couteau, cette tension-là. Ouais, mais là, vous m'avez traité de princesse, je me justifie. Ouais, ben c'est ça, mais c'est normal. Normal qu'on te traite de princesse, mais normal que tu te défendes. Je te défends comme une princesse, c'est ça. Bon, donc on va finir l'heure ici, tant qu'à faire. On va revenir tantôt avec plus de musique de palmarès et notre chronique « Tu manges mon cœur ». Je vous le promets, ça s'en vient. Mais pour l'instant, ben c'est ça. On va aller prendre une petite pause puis essayer de s'acheter des affaires. Des affaires qui... Je filerais pour aller m'acheter un iPad, là. Hey, Apple, est-ce que ça vous tente de commanditer notre émission? On vous attend. Hey. Et restez là. êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Toujours à la vie de croisière d'Assemblage requis pour la semaine du 28 mai 2012. Jasmine Raymond-Drainville. Mathieu Plante. David Ferron. Oui. Moi, je suis comme le modérateur de vos conversations sur différents sujets qu'on ne reviendra pas dessus, là. Merci. La semaine prochaine, peut-être. OK. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est continuer le palmarès francophone. Il va y avoir plus tard Ariane Moffat et L'Homme dans l'automobile en 7e place, mais on va débuter en 8e. Avec Daran et Kennedy. Kennedy. C'est comme le Canada. Kennedy. Mais. Ou la Kinect. J'ai joué à ça en fin de semaine, là, parenthèse. Hey, c'est fou dans la tête, là. J'étais comme dans un bateau gonflable, là. Fallait que je saute, puis que je bouge de même, là. Là, vous me voyez pas, là. Non, mais tu bouges la tête, là, mettons. Mais, tu sais, fallait que. Pour orienter le bateau, là, puis là, fallait sauter pour attraper les sous dans les airs. C'était fou. Non, j'avoue que ça, comme concept, comme idée, j'approuve. J'aime ça. C'est cool. J'ai jamais joué. J'ai joué une fois, mais je trouve ça potentiel. Ça a beaucoup de potentiel. C'est vraiment le fun. Voilà. Donc, Daran et Kennedy à la vie de croisière d'Assemblage requis. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Comme une nuit. Ils ont stoppé notre jeunesse. La nuit nous a pris de vitesse. Il n'y aura plus d'insouciance. Il faudra passer au travers. Renoncer à l'adolescence et mordre parfois. Stopper notre jeunesse, la nuit nous a pris de vitesse. Les plus valeureux d'entre nous pleuraient la mort de Kennedy. D'autres pleuraient un amour fou. Chacun versait un peu de vie. pas ce que je coule pas. Je suis pas capable de causer. C'est parce qu'il y a un peu Moffat et l'homme dans l'automobile en position numéro 7. Ça monte de 5 places du côté francophone sur l'album Ma. C'est ma préférée. Mais oui, c'est ma préférée. Ma préférée. Et juste... Je veux de mots! Non, c'est ton petit rire. Donc oui, avant on a entendu Daran avec la pièce Kennedy. Ok oui, tout à l'heure on aura les Fils de Brut et David Giguère à vous présenter dans le palmarès franco. Mais avant ça, on va vous faire entendre mon coup de cœur. Oui! Si tu manges mon cœur. Dimanche, mon cœur, c'est la chronique qu'on vous présente, Jasmine et moi, à chaque semaine. Ben, nos coups de cœur, ça peut être musicaux, cinématographiques, télévisuels, théâtraux. Artistique, on va dire ça comme ça. Ou artistique, le théorème de Pythagore pourrait peut-être être là-dedans à un moment donné, s'il y a des fans de ça dans le. Mais je pense que mon vrai coup de cœur, c'est la Kinect. Oui, la J'y Kinect. Pensais plus. Dimanche, mon Kinect. Ah. Ouais. Ouais. Bizarre. Ça et les brownies, je pense aussi, que t'aimes. Ouais, j'ai vraiment hâte de le manger. Merci à Marie-André. Ah, que c'est le fun. Et bientôt l'iPad. Oui, l'iPad. Un jour, tu nous convaincras, David. Donc, dans Tu manges mon cœur, aujourd'hui, on va commencer les femmes d'abord. Hein. C'est Jasmine qui va débuter. Oui. Je sais plus trop où j'ai découvert ce groupe qui s'appelle Of Monsters and Men. Mais en tout cas, j'écoute beaucoup ça depuis 3 semaines environ. Tout particulièrement la pièce que je vais faire jouer, qui s'intitule Little Talk. Parfait, donc on entendra ça tout à l'heure. Ouais. Moi, je vais accompagner ça d'une pièce du nouvel album de Hot Chip qui s'en vient très bientôt. Savais-tu que le groupe Hot Chip... Non. Colin. Ah, ça te manque, par exemple, ça me manque. Hot Chip, c'est vraiment très, très bon. L'album s'appelle... Attends un petit peu, comment s'appelle-t-il? Our Heads, voilà, qui va sortir sur l'étiquette Domino le 11 juin prochain. Donc, c'est leur futur album de la formation Hot Chip. Et là, ils ont un vidéoclip réalisé par un humoriste britannique que j'adore, Peter Serafinowicz, qui avait une série qui s'appelait le Peter Serafinowicz Show, une émission à sketch. Il y a plein de sketchs sur YouTube de lui et moi, je le trouve extrêmement drôle. Donc, c'est lui qui l'a réalisé, ce vidéo-là. Et il y a la participation là-dedans. Mais est-ce qu'ils sont britanniques, le groupe? Hot Chip, je ne pourrais pas te dire vite demain, mais attends un petit peu. Pourquoi je prends cette voix-là quand je m'étire? Sûrement parce que mon bras a été tiré et ça a été ma gorge. Donc, Hot Chip. Évidemment. Évidemment. C'est un groupe d'électropop anglais, oui. Ils viennent particulièrement de Londres. Voilà. Donc, c'est ça, comme je disais. Dans le clip, il y a aussi un autre humoriste et musicien qui s'appelle Reggie Watts là-dedans. Et donc, il y a plein de bons gens. Et donc, je vais vous faire entendre la pièce Night and Day de cet album-là. Mais pour l'instant, Of Monsters and Men. On écoute l'extrait Little Talks, hein, Jasmine? Oui! Ben, tout de suite à la vie de croisière d'assemblage Rocky. Tu manges mon cœur! Telling you to go try. Some days I can't even dress myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may not be this, ship will carry our bodies safe to the shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am alright. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may not be this, ship will carry our bodies. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you.

ta chanson, elle a comme une petite fin de... Cool, hein? De tune de club, je trouve. Ouais. Tu sais, de voix travailler dans un micro, ça, j'aime peut-être moins ça. Auto-tune un petit peu, ouais. Mais le reste, est bon. Le reste, c'est très, très bon. Et le vidéoclip est vraiment excellent aussi. Donc, c'est la pièce Night and Day de Hot Chip. Et toi, avant ça, c'était... C'était Of Monsters and Men avec la pièce Little Talks. Donc, deux pièces à aller voir et entendre. Écoutez, ouais. C'est ça, sur assemblagerequis.com. Voilà, c'était la chronique Tu manges mon cœur à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Maintenant, continuons avec un petit peu de palmarès. Pourquoi pas, on est dans le francophone cette semaine. On vous rappelle que tout l'été, on bascule le francophone anglophone de semaine en semaine. Et là, c'est la période du 28 mai au 10 juin 2012. Tout à l'heure, on entendra David Giguère avec La Chose en 5e position, mais on débute en 6e. Avec Les Fils de Bruté, La Malaville. Ouh. J'ai toujours tendance à dire mal à la ville, mais c'est comme, tu sais... On pourrait dire que t'es malhabile. Ouais. Dans la prononciation. Ouais. Facile, hein? Facile de même. Mais réfléchis même pas. Première affaire qui te sort de la bouche. Ça paraît. Parfait, je suis plein d'égouts, mais j'ai quand même plusieurs attraits qui penche en ma faveur. J'suis pas là pour te mener en bateau, te compter que j'suis le plus brave de tous les matelots. Roméo et Juliette, c'est ben beau, mais oubliez pas qu'à fin ils font pas juste des beaux dodos. J'suis pas dans un compte de fées, mon grand. C'est toi qui me parles d'amour, alors j'suis là à me demander si t'es pas pour moi. Une chose est sûre, je ferai pas pour toi. Le centre de la chose voudrait des réponses, sans poser trop de questions. J'ai posé pas pour. Au retour, on se crée des besoins dans Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 4. Thank you. Métropole de Audio Note en position numéro 4. Ça monte de 3 places, donc c'était numéro 7 la semaine passée, ça. Ça monte un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Autre chose qui monte, David Giguère avec La chose qui monte d'une place. Bon, c'est bon ça, on aime ça des affaires qui montent de même. Maintenant, je pense qu'on devrait se créer des besoins, hein, régler des problèmes dans notre vie de tous les jours. Toujours avec David Ferron et Jasmine Raymond-Dréville. Moi, c'est Mathieu Plante, David Croiseur d'Assemblage requis. C'est le moment de la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Mais petite parenthèse ici, tu connais, Jasmine, la petite intro là, plate qu'on a l'habitude, genre... Ouais. T'en as-tu une autre? C'était plate un peu, je trouve. Moi, je suis tanné de l'entendre, celle-là. C'est bon, mais c'est trop calme. On a-tu une nouvelle? Ben, une nouvelle, bref, moyennement. Moyennement nouvelle. Ouais, parce que je me suis dit, à la place, tu sais, y a une chronique qu'on avait dans le temps, qui avait sa chanson thème, mais que t'aimais pas tant que ça. Mais moi, je l'aime bien, puis je sais plus où la mettre, puis je sais pas quand l'utiliser. Tu me diras si ça dit quelque chose, OK? Tu me diras si tu veux pas que j'utilise, là. Mais ça, donc, là, c'est la chronique sexe, mais ça devrait pas, on l'a, attention. C'était quoi, donc, ça? C'était la chanson de ta chronique linguistique. Ah oui, c'est parce que d'habitude, oui, je l'aime. Je l'aime. Moi, je l'adore, cette chronique-là. Je trouve que ça fit. On est comme des super-héros de régler des problèmes. Ça sonne comme super-héros un petit peu, puis enfantin en même temps. Ah oh oui, je veux ça, moi. Bon, ça marche. On aime ça? Ouais. Good. Donc, ça existe, mais ça devrait pas. Là, c'est la chronique où on règle vos problèmes. Donc, on vous amène des sujets de la vie de tous les jours, tu sais, qu'on a besoin de régler, des problèmes, puis on vous les règle. C'est pas compliqué, ça, ben je pense. Oui, ça règle, ça. Expliquer 5 fois de même, tout le monde comprend. Ah oui. Donc, premier problème, c'est ta bouteille de ketchup. Ou de moutarde, peut-être, des condiments. Non, que... ça, j'en ai pas. T'as pas ça. Donc, c'est difficile, des fois, de sortir ça du fond de la bouteille de ketchup, des fois, ça. Donc, une compagnie, en fait, c'est l'équipe Varanasi Research Group du MIT, le Institute of Technology, qui a inventé le produit LiquiGlide, qui est un genre de revêtement de surface qui libère, je sais pas quelle sorte de principe scientifique et qui fait que le ketchup glisse dans la bouteille, mais complètement. Il faut aller voir la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne en le regardant. Mais vraiment, tu vois que le gars, il fait virer la bouteille de ketchup et le ketchup suit parce qu'il y a un revêtement sur la vitre de la bouteille de ketchup. Donc, on n'aurait plus nécessairement besoin d'une bouteille de ketchup en plastique. Quoique ça pourrait aider aussi pour les bouteilles de plastique si on peut utiliser le même survêtement. Parce que même dans du plastique avec une bouteille à squeeze, des fois, c'est difficile de faire sortir le dernier bout de ketchup. Il faut souvent la mettre à l'envers dans le frigo, tu sais. Moi, je tape. Oui, j'ai réussi à vraiment aller en chercher beaucoup. Mais on est quoi, à l'âge de pierre, hein? Frapper sur des affaires, c'est comme, tu sais, ma TV marche mal, donne-y un coup de coude, non? C'est sûr qu'il y avait des bouteilles de plastique à l'âge de pierre, là. Ben, probablement. Donc, moi, j'aime bien ce produit-là, c'est LiquiGlide. Pour l'instant, ils ont gagné la deuxième position au concours Entrepreneurship Challenge. Ils ont gagné, en fait, je pense que la première position gagnait 100 000 $. Donc, la deuxième, je sais pas, ça doit être pas mal moins, mais quand même, on peut s'attendre à ce que ça finisse dans les magasins un jour. C'est trop une bonne idée pour pas que ça se fasse. Ensuite, un autre problème dans la vie, c'est que t'es déprimé, Jasmine. Mais non, je viens de manger un brownie. J'avoue que tu dois être pas mal heureuse. David, mettons que t'es déprimé, joue le jeu un peu, t'es déprimé. Ben, j'ai mon iPad pour me consoler. C'est ça, OK, bon. Jouez le jeu, quelqu'un, hein? Mathieu. Oui, je suis déprimé. T'es malheureux, hein? Ben, j'ai besoin de crème glacée pour me remonter le moral. OK, ben oui, ça va, je suis bon. Déprimé. T'as pas besoin d'être déprimé, toi, pour manger de la crème glacée, c'est ça? Ben non. moi, je suis déprimé parce que vous m'avez traité de princesse. T'es triste, hein? Ben, consigne même, tu mérites. Donc, tu vas aller manger de la crème glacée, mais là, tu te rends compte que toute ta famille a mangé de la crème glacée avant toi. Ou ton frère, ta sœur, c'est vraiment pas le fun. Donc, ceux qui fabriquent la crème glacée Ben & Jerry ont inventé un produit qui s'appelle, attention, l'Euphorie Lock. D'accord? Wow. Ils étaient supposés sortir ça en 2002, mais là, finalement, ça va sortir maintenant. C'est fait pour promouvoir l'harmonie de famille. Donc, c'est vraiment un gadget, un genre de cerceau de plastique que tu mets sur ton pot de crème glacée, mais seulement Ben & Jerry. Okay? Et là, il y a une combinaison après. Tu pourras pas ouvrir le pot si t'as pas la combinaison. Une combinaison à 4 chiffres, facile à retenir. 3 chiffres, c'est encore pire. C'est quand même une pas pire idée, ça. Tu sais, non? Bof, pas vraiment. Allez voir sur benjerry.com pour plus d'informations. Ensuite, prochain problème, c'est que t'aimes ça tirer des élastiques avec tes doigts, tu sais. Ben moi, je me l'envoie tout le temps en face. Sérieusement, je n'ai jamais réussi à développer la tricks là, pour réussir à crever l'œil de quelqu'un. J'ai jamais réussi. OK, bon, ben, mettons que t'as pas besoin d'élastique pour ça, tu veux juste tirer avec tes doigts. Ben, tu peux avoir une bague qui, dessus, a un petit genre de target, de cible. Tu sais, donc, sur ton doigt, sur ta bague, t'as le petit, comment t'appelles ça, juste un plus ou quelque chose comme ça, qui te permet de viser comme il faut. C'est super. Ouais. Ben, ça pourrait fonctionner avec un élastique aussi, mais t'es pas obligé de t'en servir. Ça s'appelle Sharp Shooter Ring. Et c'est fait par Ryan Derrimer. Voilà. Ensuite, un autre problème de la vie de tous les jours, c'est quand il pleut, OK, ou qu'il fait soleil, t'as besoin d'un parapluie ou d'un parasol, mais aussi, t'aimerais ça pouvoir t'asseoir. Parce que, mettons, il mouille, t'attends que, mettons, ton copain aille chercher la voiture. Tu sais, les filles envoient tout le temps leur copain chercher la voiture. Hein? Bon. Ouais. Mais tu veux t'asseoir, puis après ça, tu vas pouvoir partir avec ton parapluie. C'est genre, mettons, t'es au centre d'achat. Ouais. Tu peux, ben là, tu peux t'asseoir sur ton parapluie, parce qu'il y a un banc après ton parapluie. Hein? Il rentre pas dans une sacoche, là? Ben non, pas vraiment. Mais en plus, il peut servir de canne. Donc vraiment, littéralement, tu pourrais être assis au centre d'achat sur ton parapluie, te lever, marcher avec ta canne parce que t'as de la misère à marcher, puis arriver proche de l'auto où il pleut, sortir ton parapluie. C'est le même appareil, c'est le même bidule. Ça coûte... Il y a pas le prix, je pense pas. Attends un peu. Oui, il y a le prix quelque part là-dedans. Mais bon, bref, ça peut supporter jusqu'à 300 livres de poids pour s'asseoir dessus. Et ça coûte 90$. Quand même. OK, prochain gros problème dans la vie, c'est que t'aimerais pouvoir marcher sur du gazon plus souvent. T'aimes bien ça marcher sur du gazon, ça. C'est le fun de marcher sur du gazon? Bon. Mais t'aimerais ça pouvoir marcher tout le temps sur du gazon, toute ta vie. C'est des flip-flops, des sandales avec du faux gazon dedans. C'est du gazon synthétique, là, mais très très long, donc ça, t'as l'impression de marcher sur du gazon. Et ça, c'est dans des sandales, t'as pas besoin de les couper, t'as pas besoin de les arroser ou rien. Ça me fait penser aux accu-massages. Au comment? Aux accu-massages. Accu-massages? Oui. J'ai entendu accu-massage. Ouais, excusez-moi, c'est une information de RBO, c'est de leur faute. Là. Ah, ben, okay. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre, hein, ça toujours va dans ma vie. Rarement la tienne. Mais accu-massage, c'est des souliers promus par Janine Citeau dans les années 90. C'est comme une espèce de soulier avec des points. Je vais vous montrer ça sur photo. Ah? Mais c'est vraiment confortable. Quand tu te frottes là-dedans, tu découvres des zones excitantes dans tes pieds. Des endroits que tu savais pas qu'ils existaient dans tes pieds. Ah, c'est ouais. dans le sketch d'RBO, c'est des sandales. Oui, exactement. Des sandales cucu-massage. Ça s'appelait du vacu-massage, ça existait pour vrai. Ah ben, je savais pas. Eh ben. Donc, c'est 49$ la paire, mais celle-là, c'est avec du faux gazon. Donc, moi, je trouve que c'est encore mieux que vos accu-massages ou accu-massages. Du gazon, c'est winner! OK, ensuite, tu aimes bien te réchauffer la tête en portant une tuque, mais en même temps, t'aimerais mieux faire la promotion des zombies. Tu sais, à place d'annoncer une marque, là, mettons, genre Adidas, ouais. Tu veux annoncer les zombies ou tu veux faire semblant que tu t'es fait mordre par un zombie ou que t'es toi-même un zombie. Ben, c'est une tuque avec des déchirures dedans et on voit l'intérieur de ton cerveau sur la tuque. Ben, pas ton cerveau, mais... Hmm. Hein? C'est le zombie hat. Bon. Ensuite, t'aimerais pouvoir écrire partout sur tes murs, un peu comme on écrirait sur un tableau blanc, tu sais, les whiteboards avec des gens pas de Sharpie, mais de crayon feutre qui s'effacent. Mais il y a un kit qui se vend pour peinturer tes murs ou encore peinturer tes chaises, peinturer ta table, peinturer n'importe où la peinture où la peinture peut aller, évidemment. Donc le kit coûte 225$ pour 50 pieds carrés. Et ça vient avec la peinture, le rouleau pour peinturer, des bâtons pour peinturer, un ouvre-canne et puis une pancarte qui dit peinture fraîche. Oh. 225$ pour transformer votre pièce en tableau blanc. Un homme japonais maintenant qui vient de résoudre un problème que moi, en tout cas, je trouve vraiment pertinent, c'est celui de devoir brasser ses pâtes ou son ou quelque chose dans un chaudron. Tu es en train de faire quelque chose, faut que quand tu te lèves, là, tu manques un bout de ton émission de télé, c'est plate. T'sais. Donc, il a inventé quelque chose, ça s'appelle le Kurukuru Nabi, donc ce qu'on appelle le pot round and round, qui utilise la thermodynamique pour créer un mouvement de brassage. Donc, on dit que l'eau chaude monte tout le temps. C'est pour ça, entre autres, que ça déborde, d'habitude. Donc, l'eau monte, mais le chaudron est fait d'une forme tortillonnée, si on veut, avec des vagues de chaque côté. Okay. Ce qui fait que quand l'eau monte, elle se brasse elle-même en essayant de monter. Elle prend les rebords du chaudron, qui sont faits en genre de vagues. Ouais. Donc, quand c'est la thermodynamique qui fait que quand ça monte, à la place de déborder, ça fait juste tourner en rond. OK. Donc, tes pâtes, en tant que telles, se brassent tout seul. Évidemment, ça ne fonctionnera pas avec tous les liquides plus solides. J'imagine que même certaines pâtes qui sont trop lourdes, ça ne marchera peut-être pas parce que la thermodynamique a des limites à un moment donné. Mais il faut aller voir la vidéo exemple sur assemblagerequis.com. Je trouve que le principe est vraiment super. Ensuite, prochain problème, c'est quand tu sers de la pizza. On a tout le temps des gadgets de pizza ici à Saint-Esprit, ça devrait pas, on l'a. Celui-là est encore plus cool parce que c'est un chose pour rouler, là, un couteau roulant, comment t'appelles ça? Là? Comment t'appelles ça, le petit rond qui tourne? Un couteau à pizza que j'appelle ça, moi. Genre. Mais en plus, il y a comme une spatule d'intégrer à ça. Donc, tu peux trancher ta pizza avec le côté qui est rond. Oui, j'ai vu ça, oui, c'est cool, ça. Et tu pognes ta pizza, ta pointe, par après, donc c'est vraiment cool. Ça coûte seulement 6$, donc c'est pas cher, c'est bon pour de la pizza, c'est bon pour plein d'autres choses, j'approuve. Prochain problème, c'est que dans la vie, tu te balances sur ta chaise berçante, mais c'est pas assez privé. Tout le monde te voit te bercer. Hey, honte à toi, là. Ouais. Tu sais? Donc, tu devrais pouvoir faire ça plus dans la... plus privé, si on veut. Donc, c'est une chaise berçante avec des murs sur le côté. Ça ressemble un petit peu à un cubicule. C'est une chaise berçante avec des murs. On sait pas encore combien ça coûte ou quand est-ce que ça va être disponible, mais c'est un étudiant à l'école Cranbrook Academy of Art, Kyle Fleet, en collaboration avec Herman Miller, qui ont concocté ce design-là fait de bois, de cuir et de laine. Laine. Pour que ce soit très, très silencieux, j'imagine que le dessous des pattes doit être recouvert de laine pour que quand tu te balances, personne ne t'entende. C'est cool, moi, je trouve. Moi aussi, je trouve ça très cool et très beau en même temps. Mais t'as vraiment l'impression d'être à ta bibliothèque, quelque chose du genre, avec les murs sur le côté. Mais ça, c'est seulement à l'extérieur. À l'intérieur, c'est comme un couvert de cuir, donc c'est très, très beau. Wow. T'as l'impression d'être assis à la chasse, c'est band crazy. Ouais. Super. Tu sors de la douche, hein? Et là, tu veux pas que les gens te demandent « Je peux-tu dessiner tout nu? » Ben non, tu peux pas ça. Donc, c'est une serviette pixelisante. Donc vraiment, c'est couleur pêche. Là. Certains diraient couleur peau, même si c'est un peu raciste. Une couverture couleur peau, serviette. Et dessus, t'as des pixels qui sont supposés représenter, tu sais, comme à la télé quand on pixelise quelqu'un. Ça ressemble à ça. Oui, j'ai déjà vu ça, je pense. C'est cool. C'est très cool. T'as ton iPhone avec toi, mais tu manques de batterie. Ouais. C'est sûr que t'aurais besoin d'une batterie additionnelle ou d'un chargeur, mais attention, celui-là est encore plus génial comme chargeur parce qu'il est de la grandeur, peut-être pas de l'épaisseur, mais de la grandeur d'une carte de crédit. Donc, tu peux le foutre dans ton portefeuille, sortir ça, tu branches ton appareil. J'imagine qu'il faut que tu le mettes dans le mur, quoi. Ouais. Mais sinon, je pense qu'il y a peut-être une batterie intégrée, c'est un peu. Oui, c'est ça, il y a une batterie à l'intérieur. Donc, tu peux vraiment recharger ton téléphone en le branchant dans la pile. Et en plus, ça peut aussi servir pour synchroniser. Donc, en le branchant, si tu as ton Mac, tu peux le brancher. Et ça sert donc de batterie, de chargeur dans le mur, de chargeur dans le Mac. Ça sert à tout ça. Et c'est quand même pas si cher que ça, c'est 12$. Et il y a même une petite lumière laser, genre. Une petite lampe de poche, si on veut, dedans. Ensuite, tu es au barbecue, tu te fais un barbecue en famille ou peu importe, en famille, entre amis, mais tu trouves que c'est trop encombrant d'avoir une fourchette, une pince, c'est toutes les affaires que tu as besoin lors d'un barbecue. Tu peux acheter le steak, STAKE, qui a été, si on veut, designé ou en tout cas inventé par plusieurs personnes sur Internet, donc les gens se sont partagés leurs idées. Ils ont créé le steak. Leur slogan, c'est « Grip it, flip it, serve it ». Donc, agrippe, flip et serre, si on veut. Donc, ça remplace les pinces, la spatule et la fourchette avec un seul gadget. Tu peux vraiment, avec un bouton, faire avancer la portion fourchette, après ça, la faire entrer dans la portion spatule. Et quand tu détaches tout ça, ça peut devenir des pinces aussi. Oh. Donc, c'est très bien fait. 30$ environ, 18,5 pouces de long. T'es dans ton lit ou sur ton divan et tu manques d'une petite table de chevet. Tu veux juste une table temporaire, tu ne veux pas t'encombrer d'avoir une vraie table de chevet à côté de ton lit. Donc, ça s'appelle le Instant Bedside Nightstand Shelf, ou en fait, je pense que son nom en tant que tel, c'est le Urban Shelf, qui est une petite tablette qui se déplie et se replie. Et là, tu peux mettre ça en dessous de ton matelas, par exemple. Dans le fond, ça fait comme un genre de Z, si on veut, tu sais, genre tablette, portion verticale Haute-là. Tu mets ça en dessous de ton matelas, et puis ça devient une petite table de nuit. Et en plus, un petit rebord pour empêcher que les choses tombent. C'est super, hein? Ouais, tu mets tes lunettes là-dessus. C'est 15$, fabriqué aux États-Unis. Tu branches beaucoup de choses dans ton mur, mais t'as pas d'adaptateur ou de power bar. Et là, t'es tanné que tes fils soient tous encombrés, encombrants. Il y en a partout. C'est juste un petit gadget de plastique qui s'appelle Plug Out. Ça coûte 8$ en noir et blanc ou lime et orange. Donc, c'est des emballages de deux. Noir et blanc ensemble et orange et vert ensemble. Et vraiment, tu mets ça en dessous de ta prise de courant. Et c'est comme des genres de petits ronds qui sont collés un à côté de l'autre. De caoutchouc, quelque chose comme ça. Et le fil, quand tu le branches, tu viens le snapper entre les deux ronds. Donc, tes fils vont tous descendre verticalement à côté de l'autre. Mettons, tu pourrais avoir, mettons, 3 ou 4 gadgets qui seraient pluggés dans ces petits plug-out-là en plastique. Donc, le fil. Et puis là, tu pourrais débrancher et rebrancher dans les prises. Donc, ça fait juste les tenir après le mur. C'est cool. Moi, j'aime ça. Je trouve ça vraiment bien. C'est donc, comme je disais, 8$ simple, efficace. Là, on va y aller rapidement pour les autres. Plus en bref, là, c'est des sous-verres en forme de disquettes, mais qui sont pas vraiment des disquettes. Donc, à la place d'avoir à trouver des disquettes dans votre garde-robe, vous pouvez juste acheter ça pour faire cute puis geeky. Donc, c'est vraiment bien. J'ai pas le prix, mais bon, c'est des petites disquettes en genre de silicone, je sais pas quoi. Donc, ça accepte bien la condensation de votre verre. Ensuite, le... Ah tiens, sur ton iPhone, t'as besoin d'un stylet, mais tu veux pas avoir à transporter un stylet. Tu sais, pour jouer à des jeux, des fois, ton doigt, il va cacher l'écran. Draw something est l'exemple parfait quand t'as pas un iPad pour jouer avec, maintenant. Donc, sur l'iPhone, c'est difficile. Donc, c'est encore une fois de la forme d'une carte de crédit. Donc, tu mets ça dans ton portefeuille et c'est les côtés de la carte de crédit sont des stylets. Donc, tu vas dessiner avec ta carte de crédit, ben, une fausse carte de crédit, sur ton iPhone. Ça se transporte mieux qu'un stylet que tu vas perdre dans ta poche. Ça. Moyennement, ça coûte 4$, c'est pas super cher. Je suis pas certain de l'utilisation de ça. Comme c'est gros une carte de crédit. Après, mais moi, je l'aiderais quand même. Ouais, c'est ça. Tu perds ton portefeuille à chaque semaine. Ouais. Il y a une imprimante pour iPhone et autres téléphones cellulaires. C'est vrai, une petite imprimante qui fonctionne par Wi-Fi et par Bluetooth. Vous pouvez aller voir les informations sur le site assemblagerequis.com. Ensuite, pour ceux qui aiment les mouvements et qui aiment Kinect, dont on parlait tantôt, Jasmine, t'aimes beaucoup Kinect. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle, attends un petit peu, le nom de ça, c'est le Leap, L-E-A-P. C'est un appareil USB que tu mets devant ton Mac. Et là, ça va sortir bientôt. Ça coûte vraiment pas cher que ça, 70$. Et ça va accepter tes mouvements. Donc, tu vas pouvoir contrôler ta souris avec tes bras. Au centième de millimètre, 200 fois la précision de tous les autres gadgets du genre. Ça fonctionne jusqu'à 8 pieds cubes d'espace devant l'ordinateur. Donc vraiment, tu vas pouvoir avec ta main aller cliquer sur quelque chose dans ton ordinateur sans aller toucher à ton écran. C'est comme du Kinect. Ouais. Quand même cool. Ça fait très rapport minoritaire avec les choses Tom Cruise. Je sais que j'allais vite, mais je vais pas vite ben. Un fil pour recharger ton encore une fois téléphone, iPhone ou autre gadget comme ça. Mais par contre, c'est que quand t'es dans le noir complet, le fil ne brille pas. C'est pas un fil brillant ou n'importe quoi, mais il devient brillant quand tu lui touches. Il commence à briller quand tu lui touches. Donc, mettons, dans ta chambre, tu branches pas ton iPhone, t'as oublié de le brancher, tu cherches ton fil. Aussitôt que tu vas toucher le fil, mettons qu'il est à terre, il va se mettre à s'illuminer. Et là, tu peux facilement brancher ton téléphone dans l'appareil. Mais moi, je trouve que ce qui est compliqué souvent, c'est de trouver le fil. C'est ce que je trouve, moi aussi. Mais ils ont quand même un projet sur Kickstarter, donc ils ramassent de l'argent et en espérant pouvoir le produire plus tard. Donc c'est 30$ que vous pouvez aller miser sur Kickstarter. Ils espèrent ramasser 70 000$ pour pouvoir commencer à fabriquer ça en septembre ou octobre. Un sac de couchage avec des zips partout pour pouvoir enlever quand t'as chaud en camping. Tu peux dézipper juste certaines portions et sortir ta jambe, mettons. C'est quand même pas si pire. Moi, j'aime pas ça. Comme le mien, je peux dézipper les pieds, mon Dirk. Non, moi j'ai besoin de couverture sur mes pieds, ça c'est J'aime évident. Pas ça, moi aussi c'est ça. Faut absolument que j'ai une couverture. Ma copine déteste ça, j'enlève tout le temps la couverte dans ses pieds pour les mettre dans mes pieds. Moi, l'été, je ne peux pas dormir sans petite couverte, là. Ah, j'aime pas ça. Je suis d'accord. J'aime pas ça. Ah, je pense qu'on va arrêter là. Le reste, c'est moins intéressant. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le reste des liens moins intéressants. Je vais faire ma liaison cette fois-ci. Intéressant. Intéressant. Voilà. Ça, c'est là-dessus qu'il va falloir que je vous quitte bientôt aussi. Ah, c'est vrai, tu t'en vas, Jasmine. Jaloux. C'est triste. Mais là, par contre, on peut dire. Où tu t'en vas pour que t'en parles la semaine prochaine? C'est vraiment cool. Je ne suis pas une geek ou une geekette. Je ne sais pas comment on appelle ça, les filles. Moi, geekette, c'est ce que je dis. Geekette, bon. Oui. Ça fait plus cute. Je ne suis pas ça. T'sais, moi, le seul Nintendo que j'ai, c'est un ordinaire avec Duck Hunt. Bon. Mais quand même, c'est pas pire. Puis, je n'ai jamais joué à Zelda. Là, vous ne savez pas où est-ce que je m'en vais, mais bon, vous allez finir par comprendre. Une de mes amies très geekette et sa famille geek et ses amis geek s'en vont voir. La musique de Zelda mise en musique d'orchestre symphonique. Je m'en vais voir ça ce soir à la Place des Arts. Oui, je suis très jaloux. Ça a l'air vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Wow. Fait que je vais vous en parler jeudi prochain. Ah, il va falloir trouver des extraits de ça pour les faire jouer. Ça n'a pas le choix. C'est sûr. Ah, que je suis donc jaloux. Donc, je m'en vais pour Montréal. Alors, c'est ça. Profite-en, Jasmine. Oui. Avec la fun. Ça va être très bon. Donc, on va prendre une petite pause. On va revenir avec plein d'autres choses. Il y a DJ Catardi qui s'en vient avec sa chronique. Ah, ces artistes, de quoi est-ce qu'il nous parle aujourd'hui? C'est toi qui as reçu le message. Le syndrome du larbin. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune espèce d'idée, mes gens. Selon mes recherches et Wikipédia, qui est le syndrome que, par exemple, quand t'aimes trop ton patron, que dans le fond, d'idolâtrer un peu la classe supérieure à laquelle de celle dont t'es issu. Ah, OK. En tout cas, pas clair, là, mes mots et mes pronoms relatifs sont douteux dans cette phrase-là, mais vous comprenez. C'est très intriguant comme concept, j'ai hâte d'entendre parler tantôt. On s'est dans une vingtaine de minutes avec DJ Catardi, et puis plus tard, en fin d'émission, à moins quart de la prochaine heure, là, une cinquantaine de minutes environ. Un jour, je m'habituerai à faire des calculs rapides comme ça. On aura Kim Bergeron et sa chronique culturelle. Elle va nous parler du groupe Ailier Papillon. Oh. Oui, qu'on a eu en entrevue il y a quelques semaines. Oui. On va aussi avoir la musique de Charlottetown, Reine de France. C'est notre numéro 1 de la semaine. Alors, restez avec nous. C'est la vie de croisière d'Assemblage Requis. Bye, Jasmine. Au revoir. Au revoir. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Dernière heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis pour la semaine du 28 mai 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Ben, moi, c'est David Ferron. Oui, David Ferron, en remplacement de Jasmine Raymond-Drainville. Si on faisait ça comme ça, même si tu me traitais de princesse, ben, je t'ai pardonné. Bah, tu sais, hein, on a même des fois, on achale ceux qu'on apprécie. Hein? Ouais, tu m'apprécies beaucoup trop, je trouve. Dans ta main, là. cochon. Gars. Donc, dans cette dernière heure, on aura Kim Bergeron à la fin de l'émission pour nous parler un petit peu d'Élie et Papillon. J'ai très hâte de savoir plus de choses sur ce groupe-là, même si on les a eu en entrevue il y a quelques semaines de ça. J'ai l'impression qu'on ne sait pas encore tout. Là. Non, puis c'est un groupe qui a l'air vraiment intéressant, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà. Et DJ Catardi s'en revient dans quelques minutes, je dirais une quinzaine. Mais pour l'instant, on va continuer le palmarès francophone parce que tous les tirs, on bascule d'un côté à l'autre. Et cette semaine, c'est 100% francophone. On va l'entendre les positions 2 et 3. En deuxième, c'est Reine de France avec Ça finira dans un bain de sang. Mais veux-tu t'aventurer avec la troisième position, celle-là? Est-ce que c'est là? Ben non, j'allais pas sur moi. Mais tu vas me le dévoiler, la troisième position. Ouais. Quelle est-elle? Troisième ligne. Là. OK, roulement de tombeau. Eh bien, c'est en troisième position la médaille de bronze, Chinatown, avec le titre Culpabilité tiré de l'album Comment j'ai explosé. Veux-tu essayer de dire à quelle émission c'est tout ça? Eh bien, tout ça, on va l'entendre sur la vie de croisière d'Assemblage Requis. Premier coup, bravo! Yes, hey, je l'ai enfin réussi à le dire comme il faut. J'avais tellement de la misère à le dire à mon émission, là. Ah, pas facile. Et quand les arbres se dressent d'effroi, comme une Ça finira dans un bain de sang par Reine de France, la position numéro 2 du palmarès francophone sur l'album Weekend Perdu. Ça monte de 8 places. Avant, on a entendu Chinatown et Culpabilité qui monte de la 11e. C'est sur l'album Comment j'ai explosé. Voilà, on est un petit peu à l'avance, étrangement. Aujourd'hui, on a eu quelques chroniqueurs qui sont pas là, faut le dire, de même. Fait que ça crée un grand vide. Ça crée un vide. On va remplacer ça, entre autres, par plein d'autres choses, du bonheur tantôt. Je ferai peut-être une chronique, on verra, je sais pas. Attends, oui, j'ai peut-être une petite idée, je formule ça dans ma tête. OK, pense. Ouais. Pour l'instant, on va l'entendre le numéro 1 anglophone, étant donné qu'on est en francophone presque à 100% cette semaine. Donc, allons-y avec You Can't Blonde et Stairway, 89.fm. I hear you calling out. Foxy Shazam et I Like It en position numéro 3 anglophone. Et avant ça, on a entendu You Can't Blonde, les anciens numéro 1, c'est ça? Non? Les numéro 1, ben oui. Ben oui. Ah, Colin, j'arrête pas de faire ça, j'arrête pas de percer des punchs. C'est la semaine prochaine, le palmarès anglophone, puis j'ai fait jouer le numéro 1 déjà, oui ou non? Ben c'est pas grave, au pire, t'as juste à créer un suspense parce qu'on sait même pas c'est qui le numéro 2. Ouais, c'est ça. Ah, on va faire un suspense sur le numéro 2, bonne idée. Ben oui, médaille d'argent. Ouais. Peut-être que tu pourrais faire un suspense dans 4 semaines comme dans est-ce que le numéro 2 va devenir le numéro 1? Mm-hmm. C'est un gros mystère de la vie, ça. Oui, parce que des fois, les runner-up peuvent devenir les gagnants. Ben, regarde Marie-Hélène Thibert, hein, ça. Tu me décourages. T'es numéro 2? Marie-Hélène Thibert? Ah oui, dans Star Academy. Ouais. Peut-être. Ah, j'ai toujours pensé que c'était la gagnante. C'est qui a gagné? C'est pas chose, là. Boutillier, là. Ah, Wilfred. Ouais. Et je m'en rappelle tellement. Ben, je suivais tellement pas ça, Star Academy. Il y a juste une artiste que je suivais, puis c'était Fanny Lapointe. Puis c'est ouais. Tout. Je trouve qu'on a déjà assez parlé, tu sais. Ouais. On arrête d'en parler. On arrête. On écoute un petit extrait que tu nous as apporté. Et, la première fois que j'ai entendu parler du concept, j'adorais ça. J'ai pas encore entendu toutes les pièces. Oui, en fait, c'est quoi le concept? C'est très simple. C'est que c'est une web série qui s'appelle Les Héros de notre enfance. Et là, c'est la saison 1, veulent en faire une saison 2. Et là, cette année, ils ont demandé à Orange de faire la trame sonore de la web-série. Et c'est eux qui ont fait des chansons d'enfance comme Les Intrépides, Watatata, Allume, Les 100 watts. Mais ce qu'on va entendre, c'était trop que je pouvais pas montrer tellement que... Est-ce qu'on dit pas ce que c'est? Ah! Ça se pince encore. C'est comme le numéro 2 de l'année prochaine. C'est la semaine prochaine, je veux dire. Facilement, facilement. On l'écoute, puis on devine c'est quoi, OK? Mais oui! Pour ceux qui n'ont pas entendu la première syllabe que tu as dit, là. Excellente idée. Ouais. Ça commence par un V. Un V? Wow! Wow, hein? C'était une version remasterisée, revisitée de la part du groupe Orange de Bibi et Geneviève! Oui! Wow. La chanson thème qui durait 30 secondes, et là, ils ont réussi à faire une version de 2 minutes. C'est pas mal réussi, tout ça. Et moi, j'ai envie d'en entendre d'autres un petit peu, mais juste des extraits, parce que c'est tout ce que j'ai en ce moment. Oui. Juste pour me faire une petite idée un petit peu de qu'est-ce que ça a l'air. Garde-toi, ce thème Orange. Et allume tes 100 watts, c'est réussi aussi, j'aime bien ça. Ça ouais, bon. Watatata, j'ai envie sur. Ouais. Il me semblait aussi. Ça sonne très orange, j'aime ouais, ça. Mais ça fait un bon petit d'été, je trouve. Ouais. Tu vois les bruits de bouche? Ah ouais, c'est réussi. Big box, hein. Ah, les débrouillards, coup de cœur, voyons, hey. se débrouille. Fantastique, fantastique. Ah, je peux même pas arrêter. La rue Tabaga. Hey. Original. Ouais. Et vas-y, vas-y. Je sais que les gens qui sont nés après 1991 comprennent rien à notre plaisir. C'est pas grave. Ça joue en reprise quand même pas mal, ces émissions-là. Je pense que c'est des classiques, là, non? Oh, ben, je sais pas si ça joue encore parce que non, ça... Non. Ça... Et je pense qu'ils ont mis leur pensée derrière eux à Vrac TV, entre autres. Ouais. C'est comme si ça avait jamais existé, ça. Mais c'est ça, mais j'aurais tellement voulu qu'ils mettent la toune d'Enfant Forme. Oui, ben oui, mais il y en aurait tellement des chansons à mettre. Oui. Surtout avec, tu sais, dans le temps que la télé québécoise produisait des émissions québécoises, tu sais, en grand, grand nombre, dans le bon vieux temps. Ben oui, c'est ça. Il y en a plus, ça. Puis, tu sais, c'était l'autre budget, mais ça t'emmenait tellement à des endroits psychédéliques. Ben oui, c'est ça. C'est, on dirait que les Américains ont mis la barre trop haute côté production que tu peux plus maintenant produire une émission avec un petit budget. C'est pas important, le visuel de l'émission. Ouais. C'est l'imaginaire autour, c'est la créativité. C'est vrai que Dora Exploratrice, méchant blockbuster. Bon, OK. Bon. C'est du sarcasme. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est Orange avec cette compilation Les héros de notre enfance que David nous suggère. Et je recommande aussi, j'aime ça. Oui. J'imagine que la série autour de ça doit être aussi bonne. Moi, j'ai écouté juste les chansons, puis je peux même pas te dire c'est quoi cette série-là. Ben, en fait, c'est des entrevues avec des acteurs ou des animateurs qui ont marqué notre enfance. Par exemple, il y a Grégory Charles qui a trouvé le temps de passer une entrevue. Il rase Big Shot, lui. Oui, quand même. Il a trouvé le temps de faire d'accorder une entrevue pour la série Les héros de nos enfances. Sur le web, ça joue même pas à TVA, enfance. Ça, là. Non, même pas, c'est une web-série Les héros de notre enfance. Tu dis les héros, toi, hein? Tu ben, oui, c'est vrai, le H, on... OK, oui, excusez-moi, le H... Les pires losers de notre enfance, les gros héros. Mais non, c'est les héros! Les héros! Héros! Donc, voilà, on va continuer avec encore un petit peu d'anglophone en attendant DJ Catardi qui s'en vient pour nous parler du phénomène des... Attends un peu, je l'avais ici, c'était l'Ardin, hein? Je pense qu'il faut dire l'Ardin. Ouais, c'est ça, de l'Ardin. L'Ardin. Qui est, je pense, comme le syndrome de Stockholm, si je comprends bien. C'est exactement ça. Donc, on en parle tantôt à l'émission, mais pour l'instant, on écoute une pièce qui a fait presque l'unanimité. Je pense qu'on pourrait dire l'unanimité dans les animateurs la semaine passée quand on est entré dans le top anglophone. Ils sont en 17e place cette fois-ci. Voici Trust et Soulk. Sur C'est fou, dans vos oreilles. We'll Trust et la pièce Sulk monte d'une place cette semaine. Du côté anglophone, c'est en 17e place. Évidemment, on entendra le palmarès anglophone au complet la semaine prochaine. À la vie de croisière d'assemblage, Ricky. Ça va être un très beau voyage à bord d'un décompte qui va vous faire voyager, vous faire voguer partout. Gars, on dirait qu'on est dans un film de science-fiction. Ah, puis c'est là que t'arrêtes, tu sais, la chanson. Je suis en train de dire qu'on est dans un film de science-fiction. Ah, regarde. Donc, oui, toujours sur le SS Rocky, sur le bord de l'eau et les mouettes, etc., etc. C'est la thématique de l'émission. Genre, c'est là qu'on passe tout l'été sur ce bateau loué aux frais de C'est Fou. Oui, puis c'est le fun. Merci beaucoup, C'est Fou, en passant, parce que vraiment, on a de très bons matelots à notre bord qui nous donnent de merveilleuses chroniques. Merveilleuses chroniques, tout à fait. Et t'en fais partie, David Ferron, bravo. Ben, toi, c'est un merveilleux animateur. Et dommage que Jasmine n'est pas là comme fantastique animatrice parce qu'elle est partie. Oui, elle peut pas donc te traiter de têteux encore. Non, ni de princesse. T'as pas fini avec toi aujourd'hui, là, tu sais. Ben, toi non plus, tu l'appuyais. Oh, ouais, ben, t'en avais raison aussi. Ben, là, toi non plus, t'es pas fin de bord. Bon, ben, va-t'en donc. Mais au moins, Cathardie, elle arrive. Ça va peut-être calmer les tensions entre nous deux qui montent, là. Ah, nos tensions sont intentionnelles. Ouais. Tensions intentionnelles. Mais bon, laissons la place à Cathardy, ça va être beaucoup mieux pour l'ambiance. Parce qu'on va laisser le temps de s'installer avant ça. On va aller entendre une pièce de porcelaine que Kim Bergeron nous a fait entendre la semaine passée dans sa chronique culturelle. Donc, les voici à l'instant avec la pièce La foire aux animaux. 89.5. Bon, c'est la pièce Ange sur l'album La foire aux animaux. Ah, c'est pas Kim qui a fait cette erreur-là. La pièce Ange sur l'album La Foire aux animaux de la formation Porcelaine à la vie croisière d'assemblage requis. Et maintenant, ben, c'est le moment d'accueillir DJ Catardi pour sa chronique qui porte un nom très approprié. C'est pour ça sa chanson, par exemple. Ça, c'est la prochaine chanson de la chose. Hey, c'est ces artistes. Bonjour, DJ. Anciennement appelé Drop the Bass, ouais. Aujourd'hui, ces artistes a pour seul et unique but de pouvoir blâmer le fait que je suis en retard. Ces artistes. Ces artistes. Ça a du sens. Ben, c'est une bonne prémisse. Ouais. Ben, t'sais, étant donné que je suis comme un artiste par la bande parce que je vole le travail que les artistes font. Crime, tu te chiales toi-même. T'sais, en tant que DJ, t'es supposé défendre les DJ. Non. Je défends le fait qu'il y a du monde qui ont beaucoup plus de talent que moi. Je vole leur matériel pour le faire découvrir aux gens. Il te va bien, par contre. Ben, t'as le talent de faire découvrir du matériel d'artiste méritant. C'est ça, méritant. Comme les méritants, t'sais. Ben, je sais pas quoi dire. Merci. Sur ça, on va continuer avec le sujet du jour. C'est quoi, c'est les larbins, pas lardins. Qu'est-ce qu'un larbin? Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais parler du fait que un larbin, c'est un domestique, un homme servile, et c'est un mal qui affecte la population québécoise que de se sentir interpellé par cette définition. On dirait qu'il y en a beaucoup dans les gens, dans le discours, ça transpire le larbin. Les jeunes surtout, tout le monde, la population en général? Je vais pas me prononcer là-dessus. Je vais me garder de faire des jugements. D'accord. Je vais juste parler du syndrome du larbin, puis vous en tirerez vos propres conclusions. Vous appliquerez ça à ceux que ça vous tente de l'appliquer à. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une majorité de Québécois et de Québécoises qui votent contre leurs propres intérêts au profit d'une élite minoritaire dont ils ne font souvent même pas partie. Les recettes fiscales sont redistribuées aux riches malgré une dette record. Le premier ministre, c'est Robin des Bois à l'envers. On va se le dire. Prends aux pauvres pour donner aux riches. Exactement. Endetter les étudiants pour enrichir les banques. Mais quelle idée géniale! Sociodrame à 50 cents, je dirais plutôt indignation légitime. La télévision, c'est du gros show. Même le tribunal est placé comme un théâtre avec les toges puis les crumpets sur la tête puis tout. On viendra pas me dire que c'est pas pour le show, là. Les médias de masse ou armes de distraction massive, comme j'aime les appeler, nous amènent à avoir de la sympathie pour les riches et légitimer cette classe sociale-là. Les pauvres tipites. Oh oui, oh. Pauvre Paris Hilton. Oui. Sa teinture a viré jaune. Ben, tellement attendrissante, Paris. Oui. Et du talent vocal aussi, une bonne chanteuse. Ben, oui. c'est pas compliqué. Dès qu'on ouvre la télé, on se rend compte à quel point c'est cool d'être riche puis stupide. Mais, évidemment, ben, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais... Disons que je suis contente qu'il y ait du monde... Que Jersey Shore, dans le fond, soit rendu un running gag. On va dire ça comme ça. Comment je pourrais expliquer ça? Moi, en tant que Québécois ou Québécoise, en tant que majorité ou minorité silencieuse, si ma seule source d'information est filtrée par Québécois ou Power Corp, il y a des petites chances que mon discours soit empreint de valeurs qui reflètent pas nécessairement les miennes. Donc, aujourd'hui... Non, mon discours ne sera pas centré sur les frais de scolarité. Détrompez-vous, vous êtes plus capable de l'entendre parler, puis moi non plus. Ça va bien. Mais moi, je pense un petit peu plus à long terme. Je pense que les manifestants dans les rues sont... En tout cas, ceux qui pensent que les manifestants dans les rues sont majoritairement individualistes sont dans le champ. Tristement, on y échappe pas, par exemple. L'individualisme, c'est devenu un standard. On est une société qui est centrée sur soi... T'sais, même les carrés rouges en sont affectés. On a un discours orienté sur le « je m'aime moi », mes petits intérêts, mon petit portefeuille, ma petite session. Je fais référence au carré vert, là. Mon droit de demander une injonction, mon droit d'aller en cours, mon droit de ci, mon droit de ça. Puis on n'a aucune conscience sociale. Y a de la bonne puis de la mauvaise volonté de part et d'autre. Quand on commence la guerre de « tu veux pas payer mes études, je veux pas payer ta retraite », on peut jouer longtemps, là. Pis surtout, si on est occupé à se blaster, ben il y a toutes sortes de choses qui nous passent en dessous du nez. Puis dans notre belle province, c'est plate, mais on va pas ça aller parce qu'on est trop occupé à s'envoyer chier. Aujourd'hui, donc, comme je disais, je pousse un peu les enjeux plus loin et j'essaie de prévoir à plus long terme sur comment on pourrait améliorer le sort des Québécois et des Québécoises. Ce qui m'amène à me questionner sur le symptôme pathologique présent, c'est-à-dire le symptôme du larbin. Larbin. Eh oui! Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à prendre la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu? Piste de réflexion. Serait-ce une version sociétale du syndrome de Stockholm? Ça, c'est le syndrome où les gens qui ont été kidnappés, par exemple, vont commencer à défendre leur kidnappeur et dire « Ah, crime, c'est pas de sa faute » ou « Ah, exactement. Il est fin, finalement. » Ouais. Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est quoi le syndrome du larbin? Ben, c'est agir sans discernement pour ce qui pourrait être bénéfique pour les siens. Intellectualiser le débat pour tenter de se convaincre que piocher chez les riches, c'est toujours la pire des solutions. C'est la tendance nettement libérale, celui qui vante les avantages du bouclier fiscal parce que il fait tout pour payer, pour éviter de payer de l'impôt. Pas avoir de conscience politique ou pas trop, même parfois pas du tout, pas voter, puis encourager l'économie puis le consumérisme artificiel. Ceux qui croyaient qu'il n'y avait pas de pouvoir, même s'ils votaient pas, détrompez-vous, le pouvoir d'achat s'en est un. Même si les décisions des dirigeants vont contre les intérêts, on joue à l'autruche. Puis pour pas s'opposer aux baisses des salaires, on n'est pas en train de s'opposer aux baisses des salaires, aux coupures, aux licenciements massifs. On blâme ça sur d'autres raisons que le gouvernement. C'est vraiment pas la faute du gouvernement. Ben non, c'est pas lui. Ils sont hors de tout l'approche. Exactement. L'augmentation de l'âge de la retraite parce que le chômage est catastrophique, ça semble legit. Oui, c'est légitime. Oui. Le gouvernement est en train d'augmenter la durée de cotisation pour la retraite. On passe tranquillement du seuil de 65 à 67 ans. Donc, il y a moins de travail et on doit plus travailler. C'est tout à fait logique. Un trouble qui peut se développer dès l'enfance par la socialisation, c'est un processus qui s'aggraverait au passage à l'âge adulte parce que le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition. Il développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer l'équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Le larbin finit ainsi par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qu'il exploite. C'est donc de perpétrer la croyance comme de quoi, si on ne donne pas nos matières premières ou notre argent aux riches ou aux multinationales, aux banques, ils vont s'installer ailleurs. Donc, par exemple, vendre notre rideau à un prix plus bas que le cost, puis payer notre poche en tant que contribuable, là, c'est sûr, ils vont aller s'installer ailleurs si on fait pas ça. Puis, si on les enrichit pas, ben ils vont nous laisser tout seuls, pauvres de nous, tu sais. Parlant de fiscalité provinciale, petits chiffres qui font matière à réflexion issus du ministère des Finances du Québec et de l'Agence de revenus Canada. Au Québec, en 1963, les entreprises payaient 62% des impôts et des taxes. Les particuliers, soit vous et moi, 38%. En 2011, ce chiffre-là est passé de 62 à 11% pour les entreprises. 62 à 11%. Ben 11% des entreprises. T'as peine plus que 10, ça, là? Non, c'est ça. Mettons, là, si on veut relativiser. C'est même pas la TPS. Mais là. Non. Tu sais, regarde. Aïe, aïe. Puis, les particuliers, maintenant, à place de payer 38% en 63, là, on paye 89% des taxes et des impôts. Pour te donner une petite idée. Wow! Les dirigeants réussissent à nous faire accepter toutes sortes de compromis qui n'en sont pas, qui sont en fait le fait qu'on se fait voler. Mais ils sont des fins stratèges. Ils refusent même toute idée de protectionnisme. Ils préfèrent importer des produits bas de gamme, par exemple des Chinois, pour sauvegarder les emplois des industries locales. C'est sûr que ça va être bon là, de faire importer plein de produits bas de gamme chinois. Ça va être bon. Oui. Dogmatisme, je sais pas, mais quand on souffre d'un chômage de masse malgré une main-d'œuvre qualifiée, ben il y a des petites chances que nos choix en tant que société ils reflètent pas nécessairement nos valeurs ou qu'on a peut-être une petite mise au point à faire sur nos valeurs en tant que société québécoise. Donc, peuple québécois, pour la santé publique, je vous en conjure, informez-vous, cessez de vous faire la guerre, cessez de vous détester. Ce n'est pas une histoire de carré rouge contre carré vert. C'est peut-être plus quelque chose qui ressemble au mouvement des indignés. Essayons de penser plus loin que 5 ou 7 ans en avant ou cinquantaine par jour. Puis essayons de développer une conscience sociale et d'avoir un esprit critique. Sur ce, on va y aller en musique. Mmh. On va commencer avec un petit remix de Grimes qui est sorti à peine 2 heures sur les internets. Juste là, sur les internets au pluriel? Oui. Juste là. Les internets. Ça sort directement du tuyau, ça atterrit dans le studio. Wow. C'est le Spider Webs. Il y a des petits chats quelque part là-dedans qui patauchent. Puis... Miaou. Donc, c'est le remix de Chris B de Skin et c'est Grimes. Je sais qu'on l'aime beaucoup sur la radio. C'est fou, 89.1 dans le cadre de l'émission Palmarès. Ouais. Si on veut, Palmarès par la bande, mais oui. La vie de croiseur d'assemblage requis. Tu veux le retenir le nom, lui. Ça a pris 6 fois, mais il l'a eu. Et après, tout de suite après, on va aller écouter Electric Relaxation de Tribe Called Quest. Check it out, you got me mesmerized. the black hair and your fat ass thighs. Street poetry is my everyday, but yo, I gotta stop when you drop my weight. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, and Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. So you're in the jam that we can get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got DVD all on your bedroom wall, but I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. Perceptions on my mind pulled the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state, but I couldn't drop down because you couldn't relate. You let yourself go, he said. You couldn't relate. You let yourself go, he said. You couldn't relate. You let yourself go, he said. You let yourself go, he said. You let yourself go, he said. You let yourself go, he said. Stretch out your legs, let me make it fall. Drive you insane, drive you up the wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take it on the app and you buy me links. Now I want a pound of cool thing until it stinks. You can be my mama and I'll be your boy. Original road boy, never am I coy. You can be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. But hun, you got the good, like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run they yap. Word to God, hun, I'd hook you down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella swinging F in my Jeep. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture. Shy, he's Fife of the extra P. Stacy Beetle, PJ, and my man LG. They know the Ash Jack is really so on ice. The character is a man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. Donc, c'était Tribe Called Quest avec la chanson Electric Relaxation. Un vieux bon classique, Old But Gold. Moi, j'aime le vieux old school hip-hop. Old shit. School comme ça. Hein, c'est dire. Délicieux. C'est en anglais, personne ne comprend. Hein? Puis, juste avant, c'était Grimes, Kin, la version de Chris B qui a été sur. Qui est fraîchement sortie des internets. Donc, un peu plus tôt, on a parlé du syndrome du larbin, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à prendre la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu? C'est vraiment une question, je pense, qui est quand même d'actualité. Il y a peut-être quelque chose à se poser, parce que on en voit beaucoup. Il y a une grosse séparation dans le peuple québécois. On est tout en train de se détester l'un l'autre, quand dans le fond, on est dans le même bateau. Je sais pas si ça a rapport avec notre inconscient collectif de domestiques ou de travailleurs, d'ouvriers. En bon mouton, est-ce qu'on est habitué de se faire manger la laine sur le dos? Je sais pas. Peut-être qu'on est habitué d'être dirigé par les Anglais, les Français, les multinationales. Est-ce qu'on est déboussolé de pas travailler pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ça serait si grave? Question. Sans réponse. Sans réponse. Et voilà. Merci, Nigel Catardi. Ça me fait réfléchir, ça me fait penser les questions de la vie de même, c'est le fun. Oui. La semaine prochaine, en début de la quatrième heure, on te retrouve. Troisième heure. On dure quatre heures. Fait que c'est quatrième heure. Ça a du sens? Mm-hmm. Vers 4h15, mettons. Vers dépendant de l'heure que vous nous écoutez, mais à peu près. Ouais, c'est à peu près. Ouais, ça va être une de mes dernières chroniques. Je sais, on va profiter de toi jusqu'à la fin. Ah, cet artiste qui est Catardi. Et voilà. D'où le nom à ces artistes. Il va falloir changer ça, là. Il va falloir. Pour les deux, trois dernières, t'aurais eu trois noms en dedans de trois mois. Tu sais. Pas pire. Eh oui. t'es de même, t'es un artiste, t'as le droit de faire. Faut pas questionner les artistes, non? C'est comme l'art, tu questionnes pas ça. Ah, sainte. Il faut vraiment que je change ça. Et sainte. Donc, DJ de Catardi, c'est ça encore une fois, merci beaucoup. Tout à l'heure, on aura Kim Bergeron qui s'en vient avec sa chronique culturelle. Bonjour. Bonjour, je suis déjà là. Hey, de quoi tu me parles tantôt? Hein? Je vous parle du groupe Ellie et Papillon, tout simplement, qui vient de sortir un album, un premier album pour le groupe. Excellent, on en parle tantôt avec toi, mais pour l'instant, on prend une petite pause et on vient. La vie de croisière d'assemblage requis, reste. C'est fou. Pour l'écouter. 89.1. Toujours la vie de croisière d'assemblage requis avec DJ de Catardi, David Ferron, Mathieu Plante, ça c'est moi. On accueille maintenant Kim Bergeron. Bonjour. Bonjour. Voici. Ah, j'ai oublié de mettre les vagues, Caroline. Excuse-moi, j'ai oublié de nous sortir du bateau, de la pierre. En tout cas, vous comprenez. On n'a pas encore échoué. Toute une mise en scène avec tout ça. Ça tombe à l'eau chaque fois. L'important, c'est de ne pas faire naufrage pour Kim. Ouais, t'as pas si peu, celle-là aussi. Ben, on s'y attendait un petit peu. Mais... Mettons une chance que cette blague-là n'était pas écrite à l'encre indélébile. Encre, c'est un jeu de mots avec un nom. Ah. Tabarouette, hey, c'est plus suffisant de faire des jeux de mots pour les premières positions du palmarès. Il faut maintenant en faire à toutes les sauces. Position numéro 1 qui s'en vient tout à l'heure. Donc, on aura encore une occasion d'avoir des petits jeux de mots proches. J'ai très hâte. Mais pour l'instant, c'est la chronique culturelle de Kim Bergeron. Kim Bergeron, salut. C'est bien moi. Bonjour. Hey, ça va bien? Oui, ça va très bien. Yeah. Tu sais que vous avez manqué un super bon spectacle le samedi dernier. Ah, je vous avais parlé de porcelaine. Oui, c'est vrai. Ben, vous en avez fait jouer juste avant que j'arrive. Mm-hmm. J'ai pas entendu vos commentaires là-dessus. T'es-tu tombé sous le charme, Mathieu? Moi, j'aime ça. Oui? Je sais pas si je suis encore tombé sous le charme. Ça va peut-être venir. Mais tu sais, moi, le charme vient souvent une fois qu'elle entre dans le palmarès. Et oui. Là, en l'entendant souvent, hop, là, je commence à vraiment, vraiment aimer ça, puis là, j'écoute la CD. Oui, c'était très, très hippie comme spectacle. Très hippie. Ouais, Peace and Love. Là. Ah okay. Oui. Et même Mélanie Scala, la chanteuse, est arrivée avec son petit bébé. Tu sais, la petite famille était là, puis c'était toute une ambiance. Là. Et même, je dirais, leurs paroles, leur univers, là, c'est vraiment là, tout un univers de rêve et d'espoir et de ouais, c'est particulier. C'est très bon musicalement. C'est comme Tricot Machine, mais extendu à la famille puis à la communauté. Ou... Oui, mais c'est moins gaga que Tricot Machine, ah, sans vouloir dénigrer. Okay. Là, c'est deux styles différents, quand même. Ça se veut profond comme univers, je dirais, pour Porcelaine. Alors, j'ai bien hâte de voir si ça va rentrer sur... le palmarès. Sûrement. Et aujourd'hui, je vous parle du groupe Ellie et Papillon, qui sont relativement nouveaux sur la scène musicale. On les a entendus dans un premier EP qu'ils avaient lancé. Là, donc, ça fait depuis 2008 qu'ils jouent ensemble. C'est un duo constitué de Marc Papillon-Ferland et Élise Larouche. Donc, Élise Larouche, qui était une chanteuse qui cherchait un guitariste, par ami interposé, elle a rencontré Marc Papillon-Ferland, qui est un multi-instrumentiste. Là, il joue de plein d'instruments et qui est très, très reconnu dans le métier. Je te dirais, au niveau de l'industrie musicale, là, c'est pas quelqu'un de connu publiquement. C'est pas une vedette. C'est pas une vedette, pas encore, mais c'est quelqu'un qui est très en demande là, au niveau musical, comme musicien. Alors, ils ont commencé à collaborer ensemble en 2008 et ils viennent tout juste de lancer leur premier album complet sous l'étiquette Maisonnette. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la chanson « Mille querelles » qui est tout à fait charmante, qui était aussi sur le premier EP, mais qui est complètement revisité là, pour ce premier album-là. Alors voilà, on va écouter Ellie et Papillon avec la chanson « Mille querelles » qui vient tout juste de paraître. « criais ton nom. Je perdais raison, je tournais en rond et je touchais le fond. Oh, souviens-toi, nos jours dorés, ces jours que j'ai tant savourés. Comme c'est étrange mon ange, les jours sans toi, l'orage qui passe, mille querelles qui cassent, ces querelles dont je me lasse. Où sont passés nos jours dorés, ces jours que j'ai tant savourés pour oublier le temps. Le temps amer, trop éphémère, celui d'hier. Ta nouvelle flamme démolit mon âme. Même si je hurle, même si je brûle. Ta nouvelle flamme démolit mon âme. Et mon corps en dur comme mon mal perdu. Le temps amer, trop éphémère, celui d'hier. Aujourd'hui, quand je vois le ciel, je savoure encore le goût du miel. Mais je ne pardonne pas nos mille querelles. À jamais, nos mille querelles. À jamais, nos mille querelles. Je te dirais que c'est pas mal. Et là, le moment où je viens de me rendre compte qu'on a entendu Les Papillons avec Mille Querelles en début d'émission en 14e place côté francophone. Oui, mais je viens juste de me rendre compte. C'est pour vrai, j'aurais tellement fait jouer une autre chanson. Il y en a plein d'autres. Ben, on va en faire jouer une autre pour ben ça. Ben oui, ben c'est merveilleux. Tant mais hey, c'est drôle ça, deux fois dans la même émission, ça. C'est rare que ça arrive. Ouais, ouais, hein? C'est juste quand t'as un animateur qui fait des erreurs souvent que ça arrive. Ben, on se croirait dans d'autres stations de radio. Oui, c'est ça. Mais au moins, l'émission change de nom. Hein. Mais tu sais, c'est le même animateur, mais il y a deux, trois émissions avec des noms différents. Mais on a déjà fait ça quand j'animais 6 degrés puis que je terminais avec une chanson qui était la dernière position de ton palmarès. Ouais. Et tu commençais avec ça le jeudi, quand moi j'étais rediffusée tout juste avant. Exact. Et j'ai dit, si je me rappelle bien, elle est tellement bonne cette pièce-là, je l'écouterais deux fois en dedans de 10 minutes. Et je me souviens, c'était qui? C'était Propofol. Propofol, oui. Bon. Donc, quelle pièce voudrais-tu entendre d'Élie et Papillon? Je te laisse choisir. Laisse aller ta créativité. Okay. Bon, t'as surtout les titres devant toi et moi non. Ça aide. OK, on a trois pièces. On a À contre-cœur, Un peu d'espoir et Coffre-fort. Coffre-fort. Ça sonne bien, hein? C'est intriguant, ça. Ouais, ouais, surtout qu'on peut peut-être retrouver ça dans le fond de la mer, un trésor, hein? On est en croisière, on aimerait ça. Oh, t'es cœur. Hey, j'ai fait des choses. Bravo! Thématique. Kim Bergeron. Oui. Ah, je ne cesserai de vous épater. Ouais. Pour une fois, c'est moi qui me lance des fleurs. Ouais. Putain. Nous, on refait le pot, mais bien entretenu. Ah, bien entretenu. T'as le pouce vert, David. Non. Où c'est que t'es amis? Hein? En dessous de mon iPad. Ouais. Laisse-moi où j'abandonne. On vient d'entendre Élie et Papillon. Avec quelle pièce, Mathieu? Coffre-fort. Oui, coffre-fort. Donc, et le violon qu'on entendait, je vous disais tout juste avant la chanson que c'était Marc Papillon-Ferland qui était un multi-instrumentiste. C'est lui qu'on entendait. C'est quand même un excellent violoniste. Il joue de la mandoline, il joue de la basse, il joue du piano, de la guitare. Il maîtrise tous ces instruments-là. Donc, c'est assez précieux à avoir en studio quand on a moins de budget, probablement. Ça coûte pas cher, ouais. Maintenant, c'est ça, la réalité. Ouais. On n'investit plus des 20 000 $ sur des albums, là. Hein? Alors, c'est très pratique d'avoir un musicien comme ça, comme accompagnateur. C'est moins pratique en spectacle. Il peut pas tout faire. Ouais. Hein? Fait qu'on a bien hâte de voir ce que ça va donner en spectacle. Oh. Formule plus relaxe, plus sûrement. Duo. Ouais. Oui, ils vont engager d'autres musiciens aussi, on sait pas. Peut-être que ça va être très, très gros. Et... Mais je trouve ça très bon. Musicalement, là, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, je vais continuer d'écouter ça. J'ai acheté l'album seulement hier. Là. Fait que, il faut que j'aille... Oui. Il y a l'album avec des... Avec des chansons, oui. Non, avec des chansons. Ben oui, un album complet qui est disponible depuis le 1er mai. Moi, je l'ai acheté sur iTunes, donc c'est disponible un peu partout. Hein, j'imagine en magasin aussi, signé sous l'étiquette Maisonnette Musique. Alors oui, c'est disponible un peu partout. Alors voilà, c'était Élie et Papillon. Merci, Kim Bergeron. Ça me fait plaisir. On adore. C'est encore mieux. Hein? On adore. Papillon Bergeron. Oui, Élie et Papillon. Alors, on te retrouve en fin d'émission la semaine prochaine. Oui. Comme toujours, avec une autre chronique culturelle, musicale et avec grand plaisir. Et voilà. Il nous reste seulement la position numéro 1 et vous me voyez venir avec ça. J'ai tellement hâte. Ouais. Vous retenez votre souffle pour ne pas respirer. Respirer quoi, Mathieu? Le numéro 1. Les jeux de mots toxiques. Ah ouais? Oh. Ça fait un petit peu de fumée des fois dans mon cerveau quand je pense trop. T'sais. Mais c'est le fun parce que ça enflamme le numéro 1 qui s'en vient. Exactement, ça l'enflamme et ça le... Attends un peu, qu'est-ce qu'il y a là? Ça nous réchauffe les oreilles. Réchauffe les oreilles, j'aime ça. Ben, j'essaie d'apprendre parce que tu m'enseignes, toi aussi, des jeux de mots. Je suis comme un apprenti de tes jeux de mots qui sont encore pires que les miens. Mais ben, bon. C'est mon côté poète raté, là. J'essaie de deviner parce que moi, je sais pas c'est quoi le numéro 1 et j'y arrive pas. T'arrives pas même à... Non, apprenti quelque chose. Mettons, tu sais, je sors, mettons, mes jeux de mots comme je sortirais une arme. Comme un genre de guerrier, apprenti guerrier. Oh! Ouais. Puis une femme, c'est ça, c'est comme dans une salle de bain quétaine. Là, tu serais une guerrière, mais dans une salle de bain quétaine. À la Julie Maus. On en a parlé l'autre jour. Hein? Oh! OK, vous faites un lien par rapport à son vidéoclip, je crois, pour oui, la pièce. Exactement. Ça vaut la peine d'être vu, mais une seule fois. On en a assez une dose. Ou de manière dérisoire. Oui. Pour en rire, ce genre-là. Donc, Fanny Bloom avec Respirer la fumée, c'est le numéro 1 qu'on s'en va entendre à l'instant. Et puis après ça, on vient pour se dire un petit bye-bye. Oh oui. Oh non. Oh non. Oui. Déjà 4 saisons. ça finit tellement sec, cette chanson-là. Ben ça n'a oui, pas ouais. de sens. À chaque fois, je fais le saut. Comme un... le... Vas-y, excuse-moi. C'est comme un vidéoclip des années 90 qui te sort d'en face. Ça finit aussi raide qu'un doclip qui évoque les années 90. Ces comparaisons sont tout le temps vraiment... particulières. Voilà. Oui, je le sais, c'est mais c'est toujours en lien. Oui, toujours. Il faut juste que tu cherches un petit peu. Mais ouais. C'est ça, ça. Donc, nous voilà à la fin de l'émission. On vient d'entendre le numéro 1. Avant de dire le numéro 1, petit résumé du top 5. En cinquième, c'était David Gigard avec La Chose. En quatrième, Audionaute avec Métropole. En troisième, Chinatown avec Culpabilité. En deuxième, Reine de France. Et ça finira dans un bain de sang. On vient d'entendre le numéro 1 qui monte de deux places. C'était Fanny Bloom avec Respirer la fumée sur l'album Apprenti guerrière. Donc, vous êtes maintenant au courant de comment nos jeux de mots fonctionnaient tantôt. Hein. Tout à fait. Nous étant les miens, je ne veux pas vous, vous mettre dans ça. Dans ça. Vous êtes la honte. C'est comme un crime et les accessoires du crime. Oh. Ben non, moi, je suis toujours, toujours bon public. Ouais. Donc, tu es en train de dire que mes jokes sont pas bonnes, qu'il faut vraiment rire à rien, c'est ça? Hey, faisons un rire en tu vois, je ris encore. Voilà. Oui, David. Tout à fait. C'était beau. C'était ton plus beau rire en canne que j'ai jamais entendu. Non. Ça va toujours m'étonner. Ouais. Donc, nous voilà à la fin. Comme je l'ai dit tantôt, c'est terminé. On va se retrouver la semaine prochaine, jeudi, entre 13h et 17h. Ce qui nous suit à 18h, c'est Rock Révélé avec Serge Nadeau. Ensuite, on repasse les samedis entre midi et 16h. Après nous, c'est les gars de C'est pas Cancun. Et finalement, on repasse les lundis entre 15h et 19h à 20h. C'est là pour un genre de bleu avec Simon Fitzbis et son émission de jazz. Sinon, allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados. Allez vous mettre amis avec nous ou nous liker ou whatever sur facebook.com/assemblagerequis. Je remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Et si je peux me rappeler rapidement, bon, David Ferron, bien sûr. Bon, oui. Merci. Ça fait plaisir. L'autre, t'es pas là. L'autre, t'es pas là. L'autre, Simon Fitzbay. On dirait que t'as de la rancune. L'autre, t'es pas là. Ensuite... Oh, t'as fait une belle émission tout seul aujourd'hui, avec David et Jasmine. Oh, oui, d'accord. Sinon, donc, DJ Catardi, Kim Bergeron, Jasmine ouais. Raymond Réveil qui nous a quittés en cours de route. Merci à toi, David, d'être resté jusqu'à la fin. Même chose pour Kim. Oui. Ça fait plaisir. Ben, on n'avait pas beaucoup de chroniqueurs, mais ceux qui étaient là et ceux et celles qui étaient là nous ont amené beaucoup de plaisir. Et tant voilà. mieux, tant mieux. C'est beau, ça. Ben oui. David, t'as pris à cœur le commentaire de Jasmine comme quoi t'étais têteux. Oui, oh. Et que j'étais princesse et qu'en tant que princesse, je distribue mes richesses de têteuserie à mon royaume. Et voilà. Ben, c'est ça. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Ouais, c'est moi. Ouais. Ben, la semaine prochaine, puis c'est ça. On finit de même, je pense. sur une note un petit peu méchante envers toi. Okay. Mais en fait, c'est tellement fin comme commentaire. Ça a l'air négatif, mais en même temps, c'est comme un positif dit en tant que négatif, mais qui, dans le fond, doit être pris comme un positif. Mathieu, on s'en fout. L'important, c'est que c'est le fun d'être avec toi. Ah! Wow, ben, merci. Je seconde. Oui. Merci encore. Et c'est tellement plus plaisant de le faire avec des gens de qualité comme vous et des gens que j'apprécie du fond de mon cœur. Hey, on se lance encore des fleurs. Oui, hey, on faut tout applaudir. C'est beaucoup trop. Et ouais, c'est trop. Fait que moi, j'arrête là. OK. On plonge tous en même temps. Oh, on n'a pas l'effet sonore pour plonger dans l'eau, par contre. Flush. Ah, foire. Il va falloir travailler là-dessus. C'est ça. Au revoir tout le monde. Ça finit vraiment ça. OK, bye. Bye. Bye. Bye. Bye.